satisfaction in satisfaction in me. A little more fine, a little less fine, a little less fine, a little more smart. Close your mouth and open up your heart. Baby, satisfy me. Satisfy me, baby. Salut à tous, bienvenue 20h37, ravi de vous retrouver pour la Radar du Sport, Radio Arc-en-Ciel. Très heureux de vous retrouver, nous sommes le lundi 3 novembre, il est 20h37 donc, on est ensemble jusqu'à 22h30. Hugo qu'on retrouve à 21h bien sûr pour la page foot, avec des directs ce soir d'ailleurs de football. 20h45, ce sera Pau 3 que l'on suivra, le leader en déplacement à Pau, 5e. On aura donc ce match à 20h45. On aura également 20h45 Lazio de Rome face à Cagliari en Italie. Et 21h de rencontre Sunderland en Angleterre face à Everton. Et puis en Espagne, Oviedo promu qui est 19e, qui reçoit Osasuna 15e. Et puis un tout petit peu plus tôt dans la soirée, c'était un match en Italie qui s'est joué entre Sassuolo 11e et le Genoa 18e. Le Genoa qui fait une belle opération en s'imposant 2-1. Donc dans cet avant-dernier match de la 10e journée de Serie A, dont on parlera bien sûr tout à l'heure. Pour le reste de l'actualité, bien sûr, du rugby, du tennis, avec le Master 1000 hier remporté par Nick Sinner, du basket, l'OLB qui continue sa série. On parlera de handball aussi, avec la trêve internationale. Et puis un mot de sport mécanique, voilà le programme de la soirée, jusqu'à donc 21h, puis 21h on basculera en page foot, avec tout ce qui s'est passé tout au long du week-end. Bien sûr à l'étranger en France, et on présentera bien sûr la journée de Ligue des Champions de la semaine qui nous intéressera à partir de demain. Voilà le programme de ce soir, beaucoup de choses encore au programme, des directs pour ponctuer tout ça, et puis bien sûr Hugo qui nous retrouve à 21h pour cette page football. L'art et l'art du sport, ça commence maintenant. Arc-en-ciel, c'est du soleil, plein les oreilles, plein les oreilles. Et on commence donc cette émission avec notre page sport mécanique. Comme d'habitude, ça y est, la saison approche de son terme. Bien sûr, c'est joué déjà depuis un petit moment en MotoGP, pas en Formule 1, puisque là, tout reste à faire, hein, bien entendu. Encore de nombreux enjeux d'ici la fin de cette saison. On va revenir sur le Grand Prix du Mexique qui avait lieu la semaine dernière, victoire de Lando Norris qui a fait un grand pas hein, avec cette victoire. Victoire donc sur le Grand Prix du Mexique qui s'est imposé donc le Britannique devant Charles Leclerc sur Ferrari, et puis Max Verstappen prend la troisième place donc de ce Grand Prix du Mexique, ce qui nous donne un classement avec Lando Norris qui a pris les commandes de ce championnat du monde du championnat du monde pilote, puisqu'il a un point d'avance sur Oscar Piastri, donc seulement un petit point, hein. Lui qui a fait une mauvaise opération, hein, Oscar Piastri, 5e seulement hein, sur ce Grand Prix, donc il a perdu des points, et il reste à hauteur de Lando Norris. Puis Verstappen qui est encore en embuscade hein, avec 321 points, une trentaine de points de retard, donc tout reste possible encore d'ici la fin de cette saison. 4 Grands Prix pour départager ces trois-là. Le Brésil, ce sera dimanche. Ensuite, on aura 2 Grands Prix à la fin du mois, Las Vegas le 23 et le 30, le Qatar. Et puis le 7 décembre, encore la semaine qui suit, Abu Dhabi. Donc là, on va enchaîner vraiment en un mois 4 Grands Prix. Donc ça va vraiment être décisif, ça va se jouer là, hein, en tout cas pour ce Grand Prix, ce championnat du monde de Formule 1 cette saison. Puis pour bien sûr la moto, c'est déjà joué depuis un petit moment. Dernière victoire, c'est celle d'Alex Marquez en Malaisie. Deux Grands Prix pour finir la saison. Le Portugal dimanche et puis la semaine prochaine Valence. Voilà pour clôturer cette belle saison avec le retour en force donc de Marc Marquez, de nouveau champion du monde. En rallye, encore une fois, beaucoup d'enjeux puisqu'il reste deux rallyes. On rappelle que Sébastien Ogier a perdu gros hein, lors du dernier rallye, mais il sera encore possible pour lui d'aller chercher le titre, un neuvième titre encore, hein, pourquoi pas pour lui. Ce sera l'enjeu d'un des deux dernier rallye, d'abord le rallye du Japon, ce sera cette semaine, donc dès jeudi. On rappelle que Sébastien Ogier est deuxième au classement général, aux côtés de Cole Ravenpera, le double champion du monde en titre, hein, le Finlandais. Et ces deux-là ont donc 13 points de retard sur Elfyn Evans, le Britannique. Donc voilà, ces deux-là ont leur destin en main, il faudra faire mieux que Evans sur les deux derniers, donc le Japon et l'Arabie Saoudite à la fin du mois. Et tout reste ouvert en tout cas dans cette ultime fin de saison. On va suivre tout ça bien sûr. Et en tout cas, il sera présent, Sébastien Ogier, c'est sûr, hein, pour essayer de jouer le titre. C'est maintenant son objectif. D'ailleurs, on aura aussi, pour clôturer la saison en Arabie Saoudite, la présence de Nasser Al-Attiyah, qui, on rappelle, maintenant est engagé depuis de nombreuses années avec le Rallye Dakar, et de nombreuses fois d'ailleurs vainqueur. Et il va retourner à ses premiers amours pour ce dernier rallye de la saison, aux côtés de Sébastien Ogier. Donc, lui, il sera sur la Ford Puma, Nasser Al-Attiyah. Et voilà, il va revenir à ses premiers amours en participant à ce dernier rallye de la saison. Mais bien sûr, l'enjeu sera ailleurs hein, pour les autres, puisque le titre sera encore possible. Pour les trois autres, donc on suivra bien sûr tout ça avec beaucoup d'attention. Voilà pour notre débrief sport mécanique. On va passer à tout à fait autre chose avec du handball. C'est la trêve internationale hein, avec l'équipe de France. On a retrouvé les Bleus, donc l'équipe de France masculine en match de préparation à l'Euro. On rappelle l'Euro, ce sera du 15 au 30 janvier pour les hommes. Premier match de la saison donc pour eux, victoire face à l'Italie 38-28, une nette victoire hein. Rappelle qu'on les avait pas eu depuis 6 mois l'équipe de France hein. Donc match de préparation, c'était à Pau. On rappelle que l'Euro aura lieu cette année dans 3 pays, Danemark, Norvège et Suède. Et donc voilà, une belle prestation d'ensemble pour les Bleus. Donc que l'on retrouvera ces Français dans quelques semaines bien sûr pour 7 euros. Et avant cela, on les retrouvera avant l'Euro au tournoi de France qui aura lieu donc à l'Accor Arena de Paris face à l'Autriche. Ce sera le 9 janvier et l'Euro débutera donc une semaine plus tard. Voilà, donc on rappelle la bleue dans la poule, la même poule que du premier tour que la République tchèque, sera le 15, l'Ukraine le 17, la Norvège le 19, qui sera bien sûr le gros match de ce groupe. Et les trois matchs seront joués au Slow, donc ça c'est plutôt la bonne nouvelle pour les Bleus qui n'auront pas à se déplacer pour le premier tour. On rappelle que pour les Bleus, hein, sur les 16 derniers matchs, 15 victoires hein, quand même en 2025, 15 victoires et 16 sur 16 matchs. La seule défaite, hein, c'était bien sûr la demi-finale du Mondial en janvier dernier. Donc en tout cas, ça repart bien pour cette équipe de France là. Voilà, on espère que ça va se poursuivre. Et puis bien sûr, du côté des filles, on attend le Mondial aussi qui s'approche à grands pas hein, ce Mondial. Puisqu'il aura lieu à partir du 27 novembre. Voilà, on rappelle que l'équipe de France, dans son groupe, aura les possibilités de se qualifier facilement normalement hein, si ça se passe bien pour elle. Voilà, avec un groupe largement à sa portée, la Chine, la Pologne et la Tunisie. Voilà, ce sera le 28, 30 et 2 décembre. Donc dans un mois, un petit mois maintenant pour retrouver ses filles. Donc dans ce championnat du monde, hein, on a hâte d'y être. Elles sont teneurs du titre, les Françaises, et voilà, on a hâte d'y être en tout cas. Et on a appris, c'était vendredi, les 20 joueuses hein, qui ont été retenues donc pour l'Euro. pour le mondial pardon et le tournoi de France qui aura lieu juste avant. Voilà, donc ce sera aux Pays-Bas ce mondial. Et avant cela, donc le 21 novembre, ça démarrera pour elle à Dunkerque le tournoi de France avec les 20 joueuses qui participeront au mondial. Voilà, avec notamment l'Angola et le Japon. Voilà, comme adversaire de ce tournoi-là. Pré-mondial hein, pour vraiment se préparer une dernière fois donc notamment les absences de Laura Closer hein, la gardienne qui sera absente malheureusement elle était arrivée blessée lors du dernier rassemblement et elle sera indisponible pour ce mondial voilà c'est la petite le petit couac pour la française qui ne sera pas du voyage pour ces mondiales voilà en tout cas pour l'actualité handball et puis bien sûr on va retrouver maintenant, voilà, la Star League qui va repartir, la Pro League aussi, hein, pour bien entendu Saran qui va bien mieux, hein, c'est vrai depuis quelques semaines, et les victoires qui reviennent, donc ça fait du bien. C'était un début de saison compliqué et voilà, c'était compliqué, mais ça va revenir tranquillement pour Saran, pour aller chercher de meilleurs résultats. On l'espère dans les semaines à venir. Donc la reprise samedi pour la Star League et puis. En Pro League, là aussi, ça va repartir ce week-end. Donc, pour la nouvelle journée de cette Pro League, on va retrouver donc vendredi soir Saran en déplacement à Sarrebourg. Voilà. Donc, Saran pour l'instant au classement, ça va mieux. Je le disais hein, avec ses quelques victoires juste avant la trêve, c'est une 8e place pour l'instant. Donc, ça va beaucoup mieux face à Sarrebourg, donc qui est juste derrière 10e, donc voilà, c'est un match intéressant pour Saran pour repartir sur cette deuxième partie de saison après cette trêve. Donc on va suivre tout ça et puis en Star League ce sera samedi les rencontres notamment avec Chartres réception de Istres pour Chartres. Donc voilà, ce sera samedi soir et puis bien sûr ça va repartir aussi en Ligue des Champions. On l'a dit, c'est un petit peu plus compliqué pour les Français hein, de Paris notamment et donc qui est selon 6e hein, et puis là aussi c'est un peu compliqué pour la deuxième équipe française engagée hein, Nantes, mais pour les filles ça va très bien, on le disait hein, où elles sont en tête de leur groupe, les Françaises dans leur groupe hein, Brest et Metz. Donc voilà, c'est une bonne nouvelle, on va suivre la suite de cette campagne européenne bien entendu. On poursuit avec du basket maintenant. Du basket avec l'OLB, on le disait, qui enchaîne hein, les bons résultats, qui a pris les commandes d'ailleurs de la Pro B, qu'on doit plus appeler Pro B parce que voilà, là aussi un changement de nom qui a été effectué dans ce championnat là donc l'élite 2 désormais avec l'OLB, donc je le disais, qui performe hein. Nouveaux résultats favorables, alors deux résultats favorables la semaine dernière parce qu'il y avait deux journées. Réception de Poitiers, victoire 85-80, c'était mardi dernier à Comet, si vous y étiez, c'était le feu hein. Une remontada incroyable d'Orient qui est revenu et qui s'impose finalement de 5 points. Et puis nouvelle victoire acquise plus facilement à Rouen, 83-75 vendredi, et ce qui fait que Orléans avec ses deux victoires prend la tête tout simplement du classement devant Blois, devant Vichy qui est troisième. Donc ça va très bien avec une seule défaite pour l'instant à l'extérieur. On va toujours invaincu à domicile et voilà, on a hâte de voir la suite. Ce sera donc pour la 10e journée, ce sera vendredi à déplacement à Chaland. Voilà, vendredi à 20h, une équipe qui est dernière hein, qui a gagné qu'un seul de ses 9 matchs, donc c'est victoire impérative bien sûr pour le leader hein. Tout autre résultat, bien sûr, serait un échec. Donc, il faut gagner là-bas pour poursuivre cette belle série. Puis le prochain, on va aller un petit peu plus loin. Le prochain rendez-vous à domicile, ce sera seulement le 14. Hein. Il y aura une petite pause entre les deux. Ce sera donc réception de Vichy Clermont le 14 novembre. Donc le 15, pardon, ce sera le 15 novembre. Cette rencontre, ce sera le samedi soir à Comet. Donc belle affiche à domicile. Donc à Comet avec une belle ambiance encore au rendez-vous. Un rapide mot de l'Euroleague pour faire un petit point sur nos clubs engagés dans cette Euroleague pour l'instant après 8 journées hein, de jouer. On retrouve Monaco pour l'instant en bonne posture avec 4e place. Voilà, 5 victoires, 3 défaites, ça se passe pas trop mal. Pour Paris, c'est un petit peu plus compliqué, 11e place 4e victoire et 4 défaites. Et puis pour l'Asvel, c'est compliqué, seulement 2 victoires pour 6 défaites, donc pour l'instant avant-dernier. La saison va être longue bien sûr, il y a encore beaucoup de matchs. Le prochain, ce sera jeudi pour l'Asvel, pour Paris, Monaco d'ailleurs, qui joueront tous ce jeudi avant d'enchaîner bien sûr avec une nouvelle journée de Star League. Et pour finir avec le basket, un mot rapide de NBA. Ça allait la reprise depuis deux semaines maintenant. Pour l'instant, toujours invaincu à l'Ouest, c'est notamment alors Oklahoma City, voilà, qui est en tête. Les Spurs aussi, un très très bon début de saison avec Victor Wembanyama qui fait de grosses performances. Une seule défaite pour l'instant, mais voilà, c'est pour l'instant un gros début de saison pour les Spurs. Et puis à l'Est, les Bulls, hein, qui sont en tête avec Philadelphie. Il n'y a plus de club invaincu par contre à l'Est, mais en ce qui concerne Oklahoma City, c'est le dernier club invaincu, la dernière franchise invaincue sur l'ensemble des deux conférences. Donc voilà pour l'instant le point après. Pour le moment, hein, on va dire 6-7 journées, hein, à peu près par 6-7 matchs par franchise. La prochaine journée, prochain match, ce sera cette nuit d'ailleurs. Au programme, 9 matchs qui seront joués cette nuit, entre 1h et 4h30 du matin. Donc vous pouvez voir tout ça. Bien sûr, les Spurs ne joueront pas cette nuit, mais joueront la nuit prochaine. Oui, c'est ça. Ils joueront pas cette nuit-là, donc pour aller suivre Victor Wembanyama sur la prochaine rencontre face aux Lakers. Voilà, ce sera dans l'autre nuit. Voilà pour le basket, le point complet sur ce qu'on pouvait vous dire ce soir. Ça va démarrer, ça les directs. Hein. On va en parler d'ailleurs avec Pau 3 et puis Lazio Cagliari. Cagliari pour l'instant pas de but hein, dans ces deux rencontres-là. Donc on va le suivre avec attention. 0-0 donc pour 3 8e minute. Lazio Cagliari 0-0 aussi 6 minutes. Dans une dizaine de minutes, un petit peu moins, ce sera d'abord Sunderland Everton en Angleterre et puis Oviedo Osasuna en Espagne. Voilà les matchs que l'on va suivre donc tout au long de la soirée. On poursuit maintenant avec du rugby. Rugby, avec bien sûr, on arrive bientôt dans quelques jours avec nos matchs internationaux, hein, nos test match d'automne qu'on a hâte de découvrir avec l'équipe de France, avec un petit peu de changement aussi. On va avoir des nouvelles têtes, donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Ce sera samedi d'ailleurs le premier match face à l'Afrique du Sud, hein, grosse rencontre en prévision, hein, donc au Stade de France. Avant ça, donc quelques résultats de cette journée de Top 14 avec deux victoires à l'extérieur. C'est Bordeaux qui a été s'imposé à Castres 28-26, gros match. Et puis Clermont qui a été s'imposé sur un petit score 9-7 face à Montpellier. C'est Toulouse qui est en tête grâce à sa victoire face au Stade Français dans un des chocs de cette journée. Donc Toulouse en tête. Pau avec sa victoire face à Perpignan reste deuxième. On a ensuite Bordeaux-Bègles troisième. Bayonne, gros début de saison aussi pour Bayonne, hein. Quatrième avec 26 points, le Stade Français cinquième 25 points, La Rochelle également. On trouve Toulon, Clermont, c'est très serré en fait, hein, jusqu'à voilà Clermont huitième, on a 6 points de retard seulement sur Toulouse le leader, donc c'est très très serré. On a ensuite un Racing, Castres, Montpellier, Lyon aussi c'est très serré, et puis très loin Montauban 7 points et Perpignan 1 point. Ça va être très très compliqué pour ces deux-là maintenant, le retard est déjà conséquent, hein. 11 points de retard pour Montauban sur Lyon, et puis Perpignan avec un seul point, on en parle même pas, ça va être mission impossible pour se maintenir directement, et puis il faudra aller chercher probablement le barrage, hein, et ce sera l'un ou l'autre. En tout cas, on semble se diriger sur ça. Je le disais, les matchs test match qui arrivent. Voilà, avec ce France Afrique du Sud qu'on va découvrir. Alors, il n'y aura pas de match Top 14 pendant cette trêve, hein, cette fois-ci. Retour du Top 14 dans 15 jours. Le temps donc de jouer France Afrique du Sud samedi soir et de jouer France Fidji le samedi suivant. Avant donc de jouer France-Australie donc le 22, où on aura cette fois-ci une journée de Top 14 qui sera jouée en même temps, mais ce sera le seul match où on aura le doublon, mais sinon voilà trois matchs à domicile, l'Afrique du Sud ce samedi, les Fidji et puis enfin l'Australie. Donc trois belles affiches à suivre. Quelques affiches de ce week-end aussi qu'on peut vous donner. De samedi, Irlande-Japon, Écosse-Nouvelle-Zélande, Angleterre-Fidji, Italie-Australie aussi qui va être intéressant à suivre. Donc ça, ce sera tout ça samedi. Et puis un Galles-Argentine dimanche après-midi. Voilà pour les matchs de ce de cette tournée d'automne qu'on a hâte donc de découvrir. Voilà pour le rugby. Avant de marquer une pause et donc de retrouver Hugo pour le foot, du tennis, c'était hier la finale de Rolex Paris Masters, victoire avec autorité de Yannick Sinner qui a battu Félix Auger-Aliassime en finale 6-4, 7-6. L'Italien qui remporte son premier titre à Paris, un nouveau Masters 1000 pour lui, et qui redevient numéro 1 mondial grâce donc à cette victoire. Donc qui se face au Canadien. À noter comme une demi-finale à sens unique, hein, entre l'Italien et Alexandre Zverev, finalement 6-0, 6-1 en à peine une heure de jeu. C'était en demi-finale samedi. Alors gros niveau de l'Italien, mais surtout un Zverev très physiquement très très compliqué pour lui, hein, avec une demi-finale, un quart de finale qui avait été très long, et puis on l'a vu physiquement, ça a pêché pour lui, hein. En tout cas une demi-finale encore pour lui, mais c'est Sinner qui s'impose et qui donc va aller chercher son premier titre à Paris. Donc il, je vous le disais, redevient numéro 1 mondial. Alors pour combien de temps, on ne sait pas, il faudra voir ce que donnera les Masters, puisque pour l'instant il a 250 points d'avance sur Alcaraz. Mais Alcaraz, on le sait, l'an dernier, qui avait été battu assez tôt dans les Masters, donc il va avoir du travail, hein. Sinner, il faudra gagner et puis espérer que qu'Alcaraz fasse un faux pas pour rester numéro 1 mondial. Ça ne dépend plus de lui, mais il faudra suivre tout ça. Donc les Masters qui arrivent, avec bien sûr la Coupe Davis aussi, hein. Cette semaine, donc quand même deux tournois, Athènes et Metz au programme. Novak Djokovic sera présent à Athènes, puisqu'il est tête de série numéro 1. On a Stan Wawrinka qui bénéficie d'une invitation qui s'est imposée aujourd'hui d'ailleurs. Il sera opposé au deuxième tour à Lorenzo Musetti, le tête de série numéro 2, l'Italien. Côté français, un français, c'est Alexandre Muller, tête de série numéro 5 du tournoi. Et puis je vous le disais, donc il y a Metz également cette semaine, avec beaucoup de français bien entendu: Kian Jacquet, Luca Vanaché, Alexandre Cazot, Manarino, Valentin Royer, on aura Hugo Gaston, Arthur Hinderneck, le numéro 1 français, Corentin Moutet, Quentin Alice, voilà, beaucoup de français bien sûr qui seront à domicile cette semaine. Et puis bien entendu la semaine prochaine, les Masters de Turin, enfin à partir du 9, hein, à partir de dimanche même, les Masters de Turin, où on retrouvera donc bien sûr les 8 meilleurs de la saison, avec la présence confirmée de Novak Djokovic si la semaine se passe bien pour lui, en tout cas. Et puis à noter, tiens, à World Experience Masters, une fin de carrière aussi pour Nicolas Mahut, hein, qui a mis un terme à sa carrière à l'issue du double perdu donc au premier tour, avec qui il était associé à Grigor Dimitrov. Donc fin de carrière pour lui. Et hommage rendu lors des demi-finales samedi, hein, beaucoup d'émotions bien sûr. Nicolas Mahut, évidemment le grand français le plus titré en double, côté avec Pierre Hugerbert notamment très très régulièrement, 5 grands chelems pour lui, hein, une Coupe Davis aussi, donc voilà, une grande carrière en tout cas, et qui se referme donc à Paris à domicile, donc à la Défense Arena, hein, pour la première fois de l'histoire du tournoi. Voilà pour en tout cas le tennis. Et puis à noter bien sûr la Coupe Davis aussi, qui va arriver juste après, hein, juste après donc la fin des Masters. On retrouvera la France bien entendu qui sera donc présent dans ce Final Four, hein, Final Eight pardon, dans, en tout cas dans les quarts de finale, et donc on aura bien sûr à cœur de les suivre. On aura l'occasion d'en reparler dès la semaine prochaine. Voilà pour le tennis. Une pause et donc on se retrouve. Tiens, puis Auger-Aliassime forfait, hein, qui devait être à mettre cette semaine, ne sera pas forfait. Touché au genou lors de la finale du Masters de Paris. Ne sera pas donc présent à Metz. On marque une pause et donc on se retrouve juste après pour le foot avec Hugo. Dans 3 minutes, le temps de marquer cette petite pause. Et les directs qu'on continue de suivre, pas de but pour l'instant. C'est parti en Angleterre, en Espagne aussi. Voilà, ça va démarrer partout. On va avoir beaucoup de choses à suivre. Allez, 3 minutes, c'est le temps d'écouter Back in Math avec Living. À tout de suite sur Arc-en-Ciel, 21h. C'est 1h passée de 3 minutes si vous nous rejoignez sur Radio Arc-en-Ciel, c'est la Radio Argus Sport, bienvenue à vous. Il est temps de retrouver dans une poignée de secondes Hugo qui va nous retrouver pour la page football. Bien entendu. Oh là là, on va éteindre tout ça. Qui va nous retrouver donc pour la page football avec bien entendu plein de choses encore à dire ce soir. On va avoir beaucoup de sujets encore à évoquer. On va le retrouver Hugo, là il va être avec nous. Normalement, on le retrouve. Est-ce que ça fonctionne bien? Allô, allô, est-ce qu'on a Hugo avec nous? Oui. Je crois qu'Hugo est avec vous, effectivement. Comment il va? Ça va très très bien, une belle semaine encore une fois qui s'annonce, avec de belles affiches en Coupe d'Europe, donc tout va bien, tout va bien. C'est ça, on va évoquer tout ça, ce qui s'est passé ce week-end, ce qui va se passer cette semaine. Un beau programme encore en prévision. Il est 21h04, en plus on est à l'heure, donc ça va nous permettre de balayer tout ça. Commençons bien avec ce qui est passé ce week-end, hein. On va revenir un petit peu en arrière sur le week-end. L'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, l'Angleterre bien sûr, on reviendra en France pour clôturer. Et on évoquera toute la semaine européenne qui nous attend. Commençons avec l'Allemagne, donc c'était la journée numéro 9 en Bundesliga. Ça a démarré vendredi avec Dortmund qui ouvrait le bal face à Augsbourg pour tenter de conserver sa place sur le podium. Tout à fait. Alors juste, je me permets avant, comme je suis devant le match Pau-Estac 3, voilà, pour ceux que ça intéresse, il y a eu un carton rouge pour l'Estac il y a quelques instants pour Ben Taïeb, le joueur troyen qui a percuté le gardien palois qui donc est sorti d'ailleurs, et donc ça a fait carton rouge pour les stacks, 20 minutes de jeu. Oui, donc Dortmund, effectivement, qui s'est imposé 1-0 à Augsbourg ce week-end. Donc un petit Dortmund qui s'est imposé au forceps vendredi dernier. Alors, il y avait certes deux absences de marque en les personnes de Schlotterbeck et Niklas Süle. Bon, même si c'est pas forcément eux qui effectivement font l'animation offensive habituellement de par leur poste. Quoique avec Schlotterbeck qui quand même joue sur le côté. Mais ouais, pas un énorme match avec cet unique but qui arrive pour Dortmund à la 37e grâce à Ciro Guirassy, hein, lui qui au final était muet depuis un mois. Donc peut-être un but libérateur pour lui avec ce début de saison qui est pas forcément simple, surtout quand on voit les stats qu'il avait encore la saison dernière ou même les deux, trois dernières saisons. Et ce but d'ailleurs en fin de première période qui était la première réelle occasion de ce match. Et au terme de cette partie, il y aura eu qu'un tir cadré partout, ce qui montre bien la faible attractivité, si j'ose dire, dans le jeu durant ces 90 minutes, même si Augsbourg n'est pas passé loin de l'égalisation dans les arrêts de jeu de ce match. Mais avec ces 3 points, Dortmund reste tout de même bel et bien sur le podium de la Bundesliga. Samedi maintenant, donc, on avait Leipzig qui recevait Stuttgart, là aussi, pour... continuer d'avoir cette dynamique hein, et essayer de suivre le Bayern et puis surtout rester devant Dortmund puisque Dortmund avait gagné la veille face à Stuttgart, donc une équipe qui est aussi plein placée hein. C'était vraiment un match de haut de tableau et il fallait gagner pour essayer de rester sur ce podium. Ouais, justement, bon match plus animé que celui de Dortmund, ça c'était pas forcément compliqué, mais avec deux, trois occasions franches, hein, de part et d'autre, durant la première période, hein, que ce soit Leipzig ou Stuttgart, chacun a un peu eu ses temps forts et ses temps faibles dans ses 45 premières minutes, en vain, jusqu'à ce que Julian Chabot marque contre son camp, juste avant la pause, sur une offensive de Leipzig, ça fait donc 1-0 juste avant la mi-temps. Et puis le Rasenballsport Leipzig qui va d'ailleurs enfoncer le clou hein, assez tôt en seconde période avec le 2-0 signé Diomande à la 53e. Et puis c'est Thiago Thomas, hein, l'attaquant portugais qui va réduire le score pour Stuttgart à la 65e en étant bien lancé en profondeur dans le dos de la défense et il va dribbler le gardien et puis marquer. Mais il va falloir une boulette hein, de l'ancien gardien de l'AS Monaco, Alexander Nübel, pour anéantir les espoirs de remontée de Stuttgart. Nübel qui va essayer de dribbler hein, ou décaler le ballon qu'il a au pied quand il est pressé par l'attaquant brésilien Romulo. Et il va perdre seul le ballon et le Brésilien va en profiter pour aller marquer dans le but vide. Ça fait donc 3-1. Et tu disais, Leipzig donc qui est devant Dortmund au classement encore avec cette victoire et qui est donc le dauphin du Bayern. Et Stuttgart hein, qui va passer aussi, tu l'as dit, malgré cette défaite, qui est au pied du podium à la 4e place. Ouais, Nobel qui fait pas grosse saison et... C'est non, c'était déjà pas un très grand gardien de Monaco quand même. C'est ça. Il y avait des choses à redire quand même déjà. Ouais. Mais il a pas corrigé a priori les. Non, pas sur ce match-là. En tout cas, ça fait victoire donc de Leipzig. On peut évoquer bien sûr ce choc pour finir entre le Bayern et Leverkusen. Hein, c'était samedi soir. Et le Bayern a bien encore une fois marqué son empreinte sur ce championnat. Ouais, un choc qui n'en était pas vraiment un. Alors de par la physionomie du match, forcément, c'est facile de le dire après avoir vu ce match. Mais c'est vrai que Leverkusen fait quand même un début de saison assez compliqué. C'est vraiment pas le même Leverkusen qu'on a pu connaître il y a encore 2 ans ou même l'année dernière. Mais ce Bayern-là, ouais, voilà, c'est une vraie machine de guerre là en ce début de saison pour le coup. Mais c'était là au début de ce match un Bayern remanié hein, qui a assommé Leverkusen en l'espace de 45 minutes hein, puisque Harry Kane, Michael Olise, Luis Diaz ou encore même Upamecano, hein, le défenseur français, ils ont été laissés sur le banc pour le coup d'envoi, bien sûr, en prévision du match contre le PSG de demain. Gnabry, par contre, était titulaire, hein, Serge Gnabry, du coup on a profité pour faire un très bon match et ouvrir le score à la 25e. Et puis c'est Nicolas Jackson hein, qui va marquer son premier but en Bundesliga à la 31e. Et enfin un CSC malheureux du défenseur français Loïc Badé. Sur un centre à ras de terre, ça va venir tuer le match, hein, ce 3-0 à la 43e. Donc voilà, ouais, une grosse première mi-temps des jeunes bavarois. Hein, je pense notamment à Jackson, je l'ai dit, qui a marqué, mais aussi les deux autres. Il a d'ailleurs célébré un moonwalk. Exactement, voilà, j'attendais, je m'en doutais que tu allais faire une bonne là-dessus. Je te connais par cœur, c'est impressionnant. Donc là, Jackson qui a fait son moonwalk, mais aussi Tom Bischoff, hein, les jeunes, et Lennart Karl également sur les côtés, qui ont fait un gros match, franchement, enfin une grosse première période en tout cas, des joueurs qui ont faim de temps de jeu et qui pourraient faire de très bons jokers, hein, contre le PSG cette semaine. Voilà, il n'y a pas que le PSG aussi qui lance ses jeunes, il y a aussi le Bayern qui en a de très bons. Donc voilà, à noter une seconde période où le Bayern a logiquement levé le pied, même si c'est pas forcément le style habituel de la maison, mais ils ont baissé le pied durant cette seconde période, il y a eu beaucoup moins d'occasions, malgré l'entrée des trois fantastiques, hein, juste avant l'heure de jeu, de Kane, Olysée, puis Luis Diaz. Mais voilà, c'est un 15 sur 15, toute compétition confondue pour le Bayern, qui continue d'impressionner, je l'ai dit, donc ça promet, je pense, un match de titan contre le PSG demain mardi. Et Leverkusen, pour le coup, par contre, qui est distancé de 10 points par le Bayern, déjà, ouais. Et FA qui a déjà 10 points, ouais, exactement. Ouais, c'est vrai qu'ils ont levé le pied, mais c'est pour le coup, ils ont pu se permettre, et c'est tant mieux pour eux, parce que, oui, il y a un match qui arrive demain, c'est important de les mettre un petit peu au repos, et ils ont, les trois qui sont rentrés tard, effectivement, c'est un peu ce qu'a fait Paris aussi, hein. Ils sont quand même rentrés avant l'heure de jeu, 57e, je crois, si je me souviens bien. Ouais. Donc, ils ont quand même joué une bonne demi-heure ensemble, quand même, tu vois, forcément, pour quand même avoir du rythme dans les pattes aussi, c'est sûr. Mais ouais, c'est vrai que Payne est passé pas loin quand même. Alors, j'ai plus du tout la minute de jeu, mais il a failli marquer quand même dans la surface. Mais ouais, il y a pas eu une grosse seconde période, mais voilà, le match était plié de toute manière et Leverkusen n'a jamais été dangereux dans ce match en face. Ouais. Et ben voilà, le classement donc nous donne le Bayern, tu l'as dit, en tête avec 27 points, Leipzig deuxième 22 points, Dortmund est troisième 20 points, Stuttgart quatrième 18 points. Leverkusen donc avec ses 17 points et 5e. On a Hoffenheim aussi qui fait une belle remontée, 6e avec 16 points. Francfort un peu plus loin, 8e. Et puis en bas, Mönchengladbach, Mayence et Heidenheim. Donc relégable. Un petit coup d'œil sur ce qui nous attend ce week-end. On peut cocher. Il n'y a pas de grosses rencontres entre haut de tableau. Non, ouais, à part on peut toujours citer ça aussi, Hoffenheim, tu l'as dit, qui est sixième quand même, qui est sur une bonne dynamique contre Leipzig, hein, justement, Leipzig dauphin du Bayern. Voilà, ça peut être un match intéressant. Maintenant, effectivement, il n'y a pas une énorme affiche non plus dans ce haut de tableau. Un tout petit mot rapide de coupe, puisqu'il y avait la coupe d'Allemagne, enfin il y avait la coupe pratiquement partout la semaine dernière. Qualification de Dortmund au tir au but face à Francfort. On a Leipzig qui s'est qualifié sans problème. Leverkusen, justement, on en parlait à l'instant. Les difficultés, grosses difficultés en coupe, puisque qualification face à Paderborn, deuxième division, je crois, s'ils ont pas bougé, mais oui c'est ça. Aux prolongations seulement, ça a été compliqué aussi pour cette équipe de Leverkusen en coupe. Stuttgart est passé, le Bayern face à Cologne 4-1 sans problème. Fribourg, la plupart des clubs de D1 sont quand même qualifiés. Donc les huitièmes de finale c'est déjà tiré, ce sera le 2 décembre dans un mois. On retrouvera Dortmund, Leverkusen. Grosse affiche pour ce huitième. Le Bayern ira à Berlin, voilà, grossièrement, et Leipzig recevra Magdebourg. Voilà les affiches principales de ces huitièmes. Voilà pour donc Lamen, quelque chose à rajouter? Non, c'est bon. Tout bon. Est-ce qu'on aura des Français qui affrontent des clubs allemands ce week-end? Je crois pas, dans les autres compétitions. Hein, je réfléchis, non, on n'aura pas de confrontation franco-allemande dans ces compétitions européennes. Hein. Je crois pas. Ligue des Champions, c'est sûr. Europa League, j'ai plus les matchs en tête, pour être honnête. Non, mais Strasbourg non plus. Donc Nice, Nice, Fribourg. Je veux dire Nice, Fribourg. Tout à fait. Voilà, Fribourg, on l'a pas évoqué, mais. Et on peut l'évoquer rapidement, hein, Fribourg. Pour l'instant, ils se match nul, 0-0 face à Berlin, 1-0-0. Fribourg, 11e, voilà, donc à milieu de tableau. Voilà, il faudra voir ce que ça peut donner. Ce sera à Nice. À Nice, voilà. Ouais, à Nice. Ouais. Très bien. Bon, on en reparlera bien sûr tout à l'heure. L'Italie maintenant. L'Italie, c'était la 10e journée en Italie. Alors d'ailleurs, les directs, puisqu'on en parle d'Italie, 0-0 toujours entre la Lazio et Cagliari. Ah, but ouverture de score à Everton, à Sunderland pour Everton. Ça fait 1-0, donc après 15 minutes de jeu. À l'instant même, le buteur, c'est Illiman Ndiaye, pardon, qui vient de, d'ouvrir le score pour Everton. Donc ça fait 1-0. Non, c'est Marseille. Exactement. Donc 1-0 pour le moment. Et puis tout nous tient en forme, bien sûr, pour ce match entre Pau et Troyes. Voilà, ça va être compliqué pour le leader avec ce carton rouge, mais on va voir si ça peut tenir. Et puis, Pau qui continue d'avancer, mais pour l'instant, la défense troyenne tient bon. Là, on joue la 30e minute. Ouais. Et puis donc, en Espagne, Oviedo, Osasuna, et puis donc en Italie, pour l'instant, 0-0. L'Italie, on va commencer avec le leader, Naples. Ça va être assez rapide, hein, ce match face à Côme. Voilà, Naples, on en parlera, bon, qui est toujours leader après cette journée, mais voilà, qui a perdu 2 points face à Côme. Une équipe qui est 7e. Voilà, c'est pas non plus une équipe de bas de tableau, mais un match nul 0-0. Voilà, assez équilibré. En fait, finalement, quand on regarde un petit peu les statistiques, au niveau des tirs, Naples qui a été un petit peu plus adroit au niveau des tirs cadrés, mais c'est vrai que ça a été assez équilibré. Et finalement, Naples s'en sort avec ce 0-0. Est-ce qu'ils vont s'en contenter face à Côme? Finalement, c'est un résultat qui peut satisfaire plutôt Côme. Mais pour Naples, je sais pas ce que t'en penses, c'est quand même 2 points de perdu, et on voit derrière les équipes qui reviennent. Ça reste bien sûr une contre-performance en tous les cas pour Naples quand t'es leader comme ça. Mais bon, après, Naples, on le voit depuis le début de saison quand même, ils ont quand même du mal, je trouve. Ouais. Dans la finition, terminer les actions, on le voit, hein, c'est rare qu'ils mettent plus de 2 buts dans un match. Hein, enfin, c'est pas arrivé 50 fois cette saison. Ils avaient marqué 3 buts dans le choc contre l'Inter il y a 2 semaines. Mais globalement, c'est tout ce qu'on peut retenir. S'il y a eu 3-2 contre Pise fin septembre. Début, ouais. Oui. Et puis, si, un 3-1 face à la Fio au tout début. En fait, c'est arrivé encore. Ouais, c'est arrivé 3 fois, c'est vrai, mais sur les derniers matchs, voilà, il y a eu la grosse défaite en Ligue des Champions 6-2 à Eindhoven, il y avait une défaite 1-0 juste avant face au Torino, ça s'impose pas, en tout cas, il n'y a pas de gros écart dans les victoires de Naples. Maintenant, voilà, ça reste une contre-performance, on peut pas dire le contraire, même contre Côme qui est bien classé, certes, hein, Côme ils sont quand même 7e, donc c'est vrai qu'ils ont qu'une défaite aussi, hein, c'est l'équipe qui a le moins perdu Côme du championnat avec l'Atalanta et le Milan AC. Donc c'est vrai que c'est une équipe un peu surprise aussi, Côme, hein, qui est assez costaud en ce début de saison, mais quand t'es Naples quand même avec tes leaders, ouais, ça reste une contre-performance, ça c'est sûr, surtout à domicile aussi. Et demain, Naples qui jouera face à Francfort, voilà, en Ligue des Champions. Donc pour la 4e journée, ce sera donc demain soir. On verra ça, donc sera à domicile pour Naples. La Juve jouait juste après, du coup, face à Cremonese. Ça démarre très fort pour la Juve qui ouvre le score très tôt, hein, avec Kostic à la 2e minute. Voilà, et puis ensuite, une Juve qui globalement quand même a eu quelques occasions, qui a tenté beaucoup de fois un but, hein, avec un peu moins de réussite à chaque fois. Mais ça a payé, ça finit par payer 68e. C'est Cambiasso qui va donc doubler la mise pour essayer de se mettre un petit peu à l'abri pour la fin de match. Et puis on a notre bon vieux Jimmy Vardy qui va essayer de revenir un petit peu dans le match avec une réduction de l'écart à 83e. Mais finalement, voilà, derrière, la Juve qui a tenu bon et une victoire importante, hein, au classement, et surtout après 8 matchs sans victoire, hein, toutes compétitions confondues, ça faisait beaucoup, et pour la Juve, on essaie de se rassurer un peu avant du coup de recevoir le Sporting, ce sera également demain. Ils avaient gagné leur dernier match, la Juve. Ils avaient gagné contre Udinese. La semaine dernière, le 29 octobre. Ah oui, c'est vrai, exact. Et oui. Il restait avant sur 8 matchs sans victoire, effectivement, mais. Ouais. Mais il y a eu cette victoire-là déjà, mais alors c'était pas tout Spalletti, du coup. Oui, c'est voilà. Encore, ouais. C'est encore l'intérim qui est assuré. Ah, but de Messi. but de Ryan Messi pour le Pau FC, en tout cas, qui, ça y est, ouvre le score contre le leader 3, hein. Effectivement, d'une belle, sur un corner, hein, ça, le ballon qui rebondit, qui revient en retrait, il va faire un amorti poitrine, à l'extérieur de la surface, c'est marqué d'une belle demi-volée qui a fini au fond des filets. C'est un très beau but marqué par Ryan Messi, en tout cas pour Pau. C'est arrivé. Ça va sinon. Non, parce que j'allais dire les stacks, mais non, j'ai oui. Et non, pas là. Et oui, malheureusement. Oui, donc c'est ça. C'était pas sous Spalletti avant, oui. Ouais. Donc bah, la Juve qui s'impose donc 2-1. L'Inter qui jouait donc hier avec bah, la possibilité de se rapprocher de Naples hein, en cas de victoire, bah ils en sont pas privés. L'Inter avec une victoire acquise quand même sur les, dans les toutes dernières secondes. Ils avaient bien commencé le match hein, dès le premier quart d'heure. Zielinski qui va ouvrir le score donc pour l'Inter, et puis derrière on a Véron qui va revenir juste avant la pause 40e, mais voilà, dans les toutes dernières secondes c'est la 93e, donc un but contre son camp de Frézé, je sais pas si on prononce comme ça, en tout cas qui va s'il est italien, non il est danois, non, alors Ah bah, c'est une hauteur de manche, alors. Là, Martine... Je ne connais pas trop les prononciations danoises, mais... En tout cas, c'est lui qui va donner la victoire à l'Inter, malheureux sur ce... Sur, donc, un but de la tête, et donc ça permet à l'Inter de s'imposer 2-1. Voilà, mais compliqué pour l'Inter, qui, en tout cas, est bien heureux de s'imposer, de revenir sur Naples, avant, donc, de recevoir, ce sera mercredi, l'équipe du Kazakhstan Kerat Almaty, donc pour une petite semaine un petit peu qui va démarrer un petit peu plus tranquillement. En tout cas, victoire de l'Inter face à Vérone, face à relégable. Hein, ça aurait été vraiment, clairement une contre-performance de pas gagner là. Ouais, ils avaient quand même embêté les Interistes hein, sur ce match-là. Ouais. Hein. C'est cette équipe-là de l'Hellas Vérone, mais même si bon, l'Inter a globalement eu le ballon et a dominé, il y a eu pas mal d'occasions, mais Vérone a été dangereux sur les quelques occasions qu'ils ont pu avoir. Ils ont bien embêté l'Inter, et c'est vrai que bah ouais, c'est dommage pour ce joueur danois hein, Frézé, qui va contre son camp. Je l'ai dit en toute fin de match, c'est vrai que c'est un peu cruel pour cette équipe-là qui avait quand même bien tenu jusque-là. Ouais. Et ouais, mais voilà, l'Inter en profite et reprend la deuxième place et revient surtout à un point donc du Napoli. Et puis le Milan jouait aussi hier soir face à la Roma. C'était le choc de cette journée. Le Milan pouvait en profiter pour rejoindre l'Inter et repasser devant son adversaire du jour. Chose faite avec la plus petite démarche 1-0. C'est Pavlovic qui va ouvrir le score juste avant la mi-temps. Globalement Milan qui a été dominé en première période, souvent sauvé par Maignan d'ailleurs sur un penalty arrêté par le Français, et puis derrière un petit peu plus en jambes là, les Milanais qui vont garder ce score et réaliser cette belle opération donc en marquant cet unique but, et pour le Milan ça permet de revenir à la troisième place. Voilà, pour le Milan, on rappelle qu'il jouera pas de compétition européenne, hein, qui est vraiment à fond sur le championnat. Et donc, bah là, pour l'instant, ça se passe assez bien, en tout cas bien mieux que l'année passée. Et pour la Roma, bon bah petite rechute, hein, après 2 succès d'affilée, voilà, en tout cas la Roma reste quand même bien située et ira jeudi soir en Écosse pour affronter les Glasgow Rangers, donc en Ligue Europa. Et autre petit coup dur pour la Roma, enfin un petit, peut-être gros, mais enfin c'est pas une grosse blessure, mais ben, c'est Dybala sur penalty. Hein, oui. Il se blesse sur son penalty, Dybala, tu l'as dit, qui a été arrêté par Maignan, mais il s'est blessé, voilà, aux ischios, leur Austin Delors, donc il est sorti dans la foulée. Mais c'est marrant parce que c'est ce qui est arrivé pareil à De Bruyne il y a quelques jours aussi, qui avait loupé son penalty avec Naples. Il avait marqué De Bruyne, pardon, son penalty, mais il s'était blessé pareil en tirant son penalty De Bruyne. Donc c'est voilà, c'était un peu la même histoire, sauf que c'était pas la même finalité, mais. Et voilà, on va suivre Dybala, voilà, une petite blessure aux ischios, on va voir combien de temps il va être indisponible, mais c'est vrai que c'est dommage, hein, ce joueur quand même, hein. Ouais. Qui a quand même beaucoup été embêté par les blessures aussi. Hein. Plusieurs semaines d'absence, a priori, hein, pour Dybala. Ouais. Quand même. À suivre. Ouais. Voilà, donc, le Milan, du coup, qui en profite pour se resituer. Donc, ça nous donne un début de classement quand même qui est serré, hein. Naples 22 en tête, l'Inter et le Milan. Et la Roma s'accompagne avec 21 points. Donc voilà, ces trois-là en embuscade. On a Bologne avec 18. Donc c'est vrai que Bologne n'a pas trop parlé, mais qui s'impose face à Parme 3-1. Donc belle opération aussi pour Bologne, qui remonte 5e. La Juve, là aussi, belle opération en remontant 6e avec 18 points. Et puis tout en bas, on retrouve le Genoa et la Vérone et la Fiorentina, donc relégable. La 11e journée, ce sera ce week-end. On a quoi comme match intéressant, j'allais dire. La Lazio, c'est plus une grosse équipe. La Lazio qui est 13e, hein, seulement, alors ouais. qui joue ce soir et qui pourrait en cas de victoire repasser 9e, mais c'est compliqué quand même pour même 8e, mais voilà, début de saison compliqué. Donc il y a ce Inter Lazio, voilà, dimanche soir. C'était le Bologne-Napoli aussi. Le Bologne-Napoli, exactement. Pour Bologne, ouais, ça peut être intéressant de gagner, revenir à un point de Naples. Donc pourquoi pas dimanche à 15h, ouais. Et puis pour le reste, il y a le derby de Turin, hein, la Juve et le Torino, ouais, quand même. Qui est 12e, ouais. À 18h, ouais. Ouais. Bah, c'est toujours le derby, voilà, à suivre entre les deux équipes de Turin, mais ouais, voilà, globalement c'est les affiches à suivre en série à ce week-end, ouais. Tout à fait. Et ben voilà, donc pour ce championnat italien, vous n'avez pas de coupe en Italie. Ce sera début décembre pour les huitièmes du côté de l'Italie. Et juste un mot, enfin rapide, voilà, l'Atalanta qui est pas dans une bonne forme en ce moment, leur entraîneur qui est derrière un petit peu sur, qui est sur la sellette, voilà, donc c'est peut-être le bon moment pour l'OM, hein, qui les joue mercredi, ouais, en Ligue des Champions, donc un bon moment pour justement les choper, si j'ose dire, en tout cas, et essayer de faire un résultat, enfin en tout cas c'est l'objectif bien sûr, hein, l'OM je pense a largement la capacité et le niveau pour l'Atalanta et pourquoi pas même au-dessus, donc c'est peut-être le bon moment quand même pendant la saison là de les avoir de jouer contre eux. Oui, qui a été battu à 1-0 à Udinese. Ouais. Très bien, voilà pour l'Italie. On enchaîne avec l'Espagne, c'était la 11e journée. Bah là, les victoires des trois gros, hein. L'Atlético d'abord s'impose face à Séville, face à un moins bien classé, 3-0, voilà, qui a fait le boulot. Ça s'est surtout joué dans la dernière demi-heure qui s'est mis à marquer. Ouais, c'est ça, ouais, belle victoire de l'Atlético, 3-0, tu l'as dit, avec des buts, ouais, qui sont arrivés tardivement, alors qu'ils auraient pu espérer ouvrir la marque en première période, hein, notamment. Après la demi-heure de jeu où le match s'est peu à peu intensifié, hein, où Nicolas Gonzalez aurait pu marquer par deux fois notamment, et puis il y a eu un poteau touché aussi par les Colchoneros dans cette première période, et ainsi qu'un penalty selon moi qui aurait pu être sifflé en toute fin de première période pour l'Atlético après un retour tardif d'Azpilicueta côté sévillan, mais au final l'arbitre, la VAR dans son oreillette va lui confirmer qu'il n'y avait pas penalty. Mais ça va ensuite enfin sourire à l'Atlético à l'heure de jeu avec un pénalty accordé suite à une faute de Nianzou, un ancien parisien qui va prendre un jaune et le pénalty est transformé par Julian Alvarez à la 64e, hein, 1-0, donc on l'a dit tardivement. Et puis Thiago Almada, l'ancien Lyonnais, qui va marquer le deuxième but après une grosse percussion et une grosse percée de Giuliano Simeone sur le côté droit avant de repiquer dans l'axe et servir Almada en retrait, qui n'a plus qu'à tirer dans le but laissé vide par la sortie du gardien. Donc ça fait 2-0 au 77e. Et enfin, la petite cerise sur le gâteau, c'est Griezmann, hein, qui était rentré une dizaine de minutes plus tôt, qui va marquer, après avoir loupé une grosse occasion quelques minutes avant. Et donc ça fait 3-0, voilà, pour l'Atlético, avec ce troisième but signé Grisou. Voilà, c'est propre, c'est net, mais avec le gros résultat de Villarreal, hein, les Colchoneros qui sont au pied du podium, à un point justement du sous-marin jaune. Ouais, exactement, Villarreal qui joue juste avant, et ça a posé 4-0, donc ça, face au Rayo Vallecano, donc ça suit bien aussi, hein, pour l'instant, Villarreal qui fait un gros gros début de saison. L'Atlético jouera demain aussi face à l'Union Saint-Gilloise, qui avait fait beaucoup de mal à Monaco lors de la première journée. Et puis Villarreal ira donc à Paphos à Chypre pour cette journée de Ligue des Champions. Le Barça, d'abord Real pardon, qui jouait samedi soir, recevait Valence avant de se déplacer à Liverpool, hein, demain, qui sera le choc de cette journée en Ligue des Champions. Victoire nette sans bavure face à Valence, 4-0. Oui, le PSG Bayern aussi quand même. Et il y aura aussi bien sûr le PSG, l'un des chocs, c'est vrai. De cette PSG Bayern, c'est quand même le premier contre le deuxième, c'est les deux équipes très en forme quand même. Oui, oui. Liverpool, on est quand même sur une forme moyenne. C'est vrai, mais l'affiche en tout cas. Fallait que je te contredise. Oui, merci. Ça me tient à cœur. Ça me tient à cœur. Et bah on va retrouver Hugo la semaine prochaine parce qu'il a des choses à faire. Merci à tous. Bonne soirée. Et donc voilà, festival du Real, voilà, encore avec un Mbappé en forme. Voilà, ils sont prêts à aller en Angleterre demain. Ouais, tu l'as dit, un Real en forme, match quasi parfait, hein, de ce Real Madrid là, avec un doublé de Mbappé, d'abord sur penalty à la 19e, et puis il est trouvé par Arda Güler sur un centre où il la reprend bien du plat du pied. Ça fait 2-0 à la 31e minute de jeu. Ça confirme une nouvelle fois ce lien bien établi, hein, je le souligne depuis déjà quelques semaines aussi, ce lien bien établi entre la jeune pépite turque, hein, Güler, et la star française. Et pourquoi bah, je parlais de match quasi parfait bah, c'est parce que Mbappé va laisser Vinicius tirer un deuxième penalty, un sifflet en faveur des Madrilènes, mais le Brésilien qui va vraiment mal tirer une nouvelle fois ce penalty-là, et qui va buter sur le gardien de Valence, Agirrezabala. Mais voilà, juste après Bellingham, il va régaler en faisant un gros travail dans un petit espace aux abords de la surface côté gauche et se libérer pour marquer d'une très jolie frappe petit filet opposé. 3-0 juste avant la pause, hein, à la 44e. Et puis le quatrième but, hein, signé Carreras, qui était d'ailleurs à l'origine du second penalty. Carreras qui va marquer un vrai golasso, un vrai bombasso en entrant dans la surface complètement excentrée côté gauche, et il va mettre une mine, une grosse frappe pied gauche qui va foncer dans la lucarne opposée. Enfin, un but magnifique pour le 4-0. Donc voilà, en résumé, doublé de Mbappé qui continue sur ses performances et ses stats stratosphériques depuis le début de saison. Un gros golasso, un Bellingham qui revient bien en forme. Je ne l'ai pas souligné, mais c'est vrai qu'il a fait un bon match également. Et voilà, une première place bien assurée, surtout avec à la fin de cette journée de Liga, 5 points d'avance sur le Barça après l'avoir déjà battu lors du Classico la semaine dernière. Et le Barça a joué hier. Avant de retrouver en Ligue des Champions, ce sera mercredi Bruges. Voilà, tranquillement face à Elche, victoire sans forcer 3-1. Et voilà, c'est le Barça en tout cas qui va mieux après cette défaite la semaine passée. Donc victoire 3-1. Ouais, résultat et 3 points importants pour le Barça, bien sûr. Il fallait pas se louper pour ne pas laisser ce Real là avoir trop d'avance à la tête du classement. Le Barça qui a vite marqué, hein, en début de match à la 9e et à la 12e par Lamine Yamal qui retrouve le chemin des filets, et Ferran Torres, hein, bien servi par Fermín López. Un but, hein, qui va faire du bien à Yamal, hein, même si je trouve qu'il est encore un peu juste et moins vif, hein, qu'il pouvait l'être avant d'avoir sa pubalgie, même si Hansi Flick et Yamal lui-même, hein, assurent qu'il n'y a plus aucune gêne au niveau de l'entrejambe. Le Barça, pour revenir sur le match, va ensuite un peu se relâcher et permettre à Elche de réduire la barque à 2-1 grâce à Rafa Mir, hein, juste avant la pause. Mais voilà, Rashford, l'anglais, va faire le break pour le Barça d'une belle frappe barre rentrante après l'heure de jeu. Mais voilà, globalement, j'ai quand même trouvé encore pas mal de gâchis dans la terminaison, dans la finition catalane, notamment même par les buteurs du jour, hein, que ce soit Yamal ou encore Rashford. C'est vrai que voilà, sur certaines actions, ils auraient pu être plus propres, ils auraient pu accentuer vraiment cette victoire-là. Mais voilà, je le disais, le Barça, c'est les 3 points, c'est le plus important, on le dit tout le temps. Et Barça qui est donc dauphin du Real à 5 points et possède également 2 points d'avance sur Villarreal, 3e du coup. Exactement. Et puis bon, pour la suite, on a l'Atlético 4e, c'est Betis Séville 5e, Espagnol Barcelone 6e. En bas, Valence Oviedo, donc il joue pour en son direct là. Et puis Gironne dernier, hein. Très compliqué cette saison. Ouais. Pas d'autres buts d'ailleurs, hein. Pau donc qui a informé sur face à 3. Everton, c'est la mi-temps bientôt d'ailleurs dans cette rencontre. Everton qui est à Sunderland pour l'instant mène 1-0, et puis en Espagne, Oviedo, ça donne 0-0, et en Italie, 0-0 aussi entre Lazio et Cagliari. Là aussi, c'est pratiquement la mi-temps. Avant d'aller en Angleterre, la Coupe d'Espagne, c'était la semaine dernière, voilà, avec pour l'instant, bon, on n'a pas donc ni le Real ni le Barça. En tout cas, les Européens ne sont pas encore engagés. Qualification de Retafe, d'ailleurs, noté le score fleuve, 11-0 face à l'Inter Valdemoro. Voilà, bien sûr, club inférieur. Valence s'est imposé 5-0. Villarreal aussi, Rayo Vallecano, ça se note, ça se passe. Tout, voilà, globalement, toutes les équipes qui étaient à l'extérieur. Donc les gros sont imposés, sauf Oviedo, voilà, qui était battu par un plus petit club en prolongation, mais sinon pour tout le reste, tout est passé. Donc lors de ce premier tour, et puis on retrouvera bien sûr au deuxième tour les Européens, notamment le Real, l'Atlético, le Barça. Voilà pour cette Coupe du Roi. Il est temps d'aller en Angleterre avec la Première Ligue, c'était la 10e journée. On avait d'abord Arsenal qui ouvrait le bal face à Burnley. Pour rester toujours bien en tête, hein, une belle avance face à une équipe de Burnley en perdition, seulement 16e avant la rencontre. Victoire des Reds 2-0 qui se font tranquillement, sans forcer, avant d'aller. C'est quoi des Reds? des Gunners, pardon, j'ai dit quoi? Des Reds. Ah oui, non, des Gunners, face à cette équipe de Burnley, et avant d'aller demain à Prague pour affronter le Slavia, donc tranquille pour l'Arsenal avant ce déplacement. Bah oui, pas pour faire grand chose de plus à rajouter. Ils ont vraiment dominé, tu l'as dit, cette équipe de Burnley qui est 17ème, c'est ça, ou qui était 17ème avant ce match? Non, qui est 17ème. Qui est 17ème, qui était 16ème, ouais. D'accord, bah voilà, mais bon, y a pas eu de match hein, vraiment dans cette rencontre. Arsenal qui a vraiment maîtrisé du début à la fin cette rencontre-là, victoire 2-0 grâce à des buts de Gyökeres et Bikanraes, hein, c'était joué déjà en première période. Arsenal qui signe voilà un 5e succès consécutif en PL et voilà bah s'installe tranquillement, enfin reste en tout cas tranquillement sur son trône cette première place avec on va en parler après bien sûr de ses poursuivants, mais avec 6 points d'avance sur City et même 7 devant Liverpool. Ouais, grosse avance avec seulement 10 journées, c'est assez rare en Angleterre. Mais ça peut aller vite. Ça peut vite revenir, exactement. Tiens, juste, on peut évoquer Manchester United rapidement, qui était de placement à Forest. United qui s'en sortait très très bien. Alors, c'est vrai que c'est un peu comme en Ligue 1, c'est très serré hein, ce top. Top 8, même jusqu'à 10 pratiquement en Angleterre. Et c'est vrai qu'avec ce match nul là, 2-2 à l'extérieur, eh ben on passe de deuxième à huitième pour United. Hein. Ça fait une grosse chute, mais globalement pas un gros match de United. Ils n'étaient pas deuxième United. Troisième. Enfin, ils étaient sur le podium. Non, je crois qu'ils étaient. Étaient pas sur le podium. Je sais plus. Bah, Bournemouth c'était deuxième. C'était le dauphin un peu surprise d'Arsenal. Bournemouth. C'était égalité avec le, enfin c'était égalité avec le troisième, mais c'était pas ça. United était à 16 points. Je sais plus, pouvoir revoir le classement avant. C'est vrai que je l'ai plus en tête. City était quatrième ou cinquième, je crois. Enfin ouais, bref, mais tu l'as dit de toute façon avec ces, oui, avec ces. C'est tellement serré. Ces, ouais. C'est tellement serré que oui, de toute façon là ça bouge forcément rapidement entre toutes ces équipes là, ces 7-8 équipes là. Donc United Forest de partout. C'était un match animé hein, quand même entre les deux équipes là. C'est pour ça que le nul est quand même relativement logique. Forest avait démarré assez fort ce match. Il avait plutôt dominé la première période, hein, mais c'est bien Casemiro qui va ouvrir le score pour les Mancuniens à la 34e sur corner de la tête. Puis rebelote en seconde période. Hein, Forest va commencer fort ce second acte, mais cette fois-ci en convertissant et en marquant coup sur coup deux buts à la 48e et 50e grâce à Gibbs White et à Savona. Mais c'est Amad Diallo hein, qui a été bien placé en retrait sur un corner, qui va reprendre d'une belle frappe le ballon qui revient sur lui et marquer un joli but pour égaliser à deux partout à la 81e. Et Emmanuel, qui n'était pas loin d'aller chercher la victoire en toute fin de match, grâce encore à Diallo, bien placé au second poteau, qui vient taper d'une demi-volée la balle, mais ça va être sauvé sur la ligne par un défenseur de Forest. Donc voilà, United qui casse sa jolie série de victoires, qui était de 3 jusqu'ici, ça faisait très très longtemps que c'était pas arrivé, on le rappelle. Mais non, en tout cas, plus perdu justement depuis fin septembre. Alors ça paraît loin, enfin c'est pas loin, ça fait plus d'un mois, donc fin septembre, mais je rappelle que United n'a que le championnat à jouer. Oui. Donc forcément, il y a eu la trêve entre deux, non? Il y a eu la trêve aussi, exactement, bien sûr. Et puis, United qui a déjà été éliminé de la Coupe de la Ligue. Oui. Donc c'est pour ça qu'ils ont vraiment plus que le championnat, hormis la Cup quand elle commencera, quand ils rentreront en lice. Mais voilà, on le disait, donc United avec son match nul, voilà, qui est huitième. Mais on le disait, à seulement deux points du deuxième et rival Manchester City. Justement, City, la belle transition. C'était hier, victoire face à Bournemouth 3-1 avec un Haaland qui fait une grosse performance aussi aussi à noter celle de Cherki hein, face à Bournemouth. Ouais, bah exactement. Ouais, tout à fait. Bah, un match plein des Citizens hein, qui on le sent. Ils peuvent amener là une vraie dynamique positive là, je pense pour les semaines à venir. Notamment un doublé du cyborg Erling Haaland, qui a d'ailleurs célébré pour le coup. On rigolait tout à l'heure avec Nicolas Jackson et le Moonwalk, mais Erling Haaland là qui a célébré en faisant le robot. Comme il est surnommé le cyborg, là c'était voilà, petit cadeau qui était rigolo sur ce premier but là d'Erling Haaland. Mais oui, Haaland qui a donc marqué un doublé, je l'ai dit, qui a été servi par deux fois par Ian Cherki. Tu le soulignais aussi, Cherki qui a fait un gros match, qui a été titularisé par Guardiola sur ce match après avoir déjà réalisé un bon match contre Swansea en Coupe de la Ligue il y a quelques jours. Et donc Cherki qui là en Première Ligue signe un doublé de passe D et qui a été très important dans ce match avec une excellente vista, une vision de jeu bah voilà, énorme hein, quand il s'y met, on sent vraiment qu'il a ce truc en plus par rapport aux autres, comme on a déjà pu le voir et connaître à Lyon depuis quelques temps, et notamment la saison dernière. Mais aussi, on l'a revu depuis son retour de blessure, un physique affiné, et davantage taillé, sculpté pour le niveau physique et intensif de la Première Ligue. Voilà, peut-être le successeur, voilà, notamment avec sa patte, son pied, sa vision du jeu de Kevin De Bruyne. En tout cas, c'est un peu ce qui se traduit via sa connexion avec ses coéquipiers, hein, comme Haaland. Ou encore Phil Foden, et aussi par l'ovation qu'il a reçue lors de son remplacement par l'Etihad Stadium dans ce match-là. Voilà, puis pour revenir sur le scénario du match, Aurélie qui marque le troisième but de City à la 60e, et c'est un vrai but libérateur, parce que comme en première période, Bournemouth avait quand même réalisé un gros premier quart d'heure hein, dans cette seconde période, eux qui avaient par ailleurs égalisé, hein, je l'ai pas précisé, mais à un partout à la 25e. Mais voilà, City qui reprend cette place de dauphin d'Arsenal à Bournemouth, justement, grâce à cette victoire. Exactement, avant de faire Dortmund, ce sera mercredi. Voilà pour les Citizens. Et puis, on avait aussi deux autres rencontres. Chelsea, qui est un petit peu moins bien classé, mais bah, justement, qui profite des déboires de ses poursuivants pour passer sixième avec une victoire face à Tottenham. C'était quand même un gros match dans ce haut de tableau. Toute petite victoire, mais ça permet donc de revenir donc à... En haut de table, enfin, on va dire on va jouer l'Europe, quoi, on va dire. Bah, puis en tout cas, ouais, on l'a dit dans ce panel-là d'équipes qui se tiennent qu'à deux points, on va dire ça comme ça, et qui justement, bah, Chelsea, oui, avec cette victoire, rejoint justement leur rivaux de Tottenham, de Londres, et puis leur adversaire donc du week-end avec 17 points. Chelsea qui est 7e et Tottenham 6e. Mais oui, bah, voilà, Chelsea a fait son match. Hein, franchement, ils auraient même pu gagner plus largement, mais ça n'a pas été le cas. Hein, ils ont pas été assez cliniques, même chose dans la finition de leurs actions, mais en revanche Tottenham qui a vraiment fait un match très très moyen, qui a eu un petit peu la tête sous l'eau durant toute cette partie face à ces Blues là. Donc c'est une victoire très logique de Chelsea avec ce but, cet unique but de João Pedro à la 34e minute de jeu. Donc ouais, une victoire très logique, et je l'ai dit, ouais, qui aurait pu être un peu plus corsé pour Chelsea contre Tottenham. Très bien, et puis on termine avec Liverpool. On a parlé tout à l'heure, prochain adversaire du Real. Victoire face à Aston Villa, 2-0, avec notamment, je crois, un des buts un peu gag sur le deuxième but, ou non, sur le but de Salah. Bah, un peu les deux, enfin le deuxième but, c'est contré aussi. Et Salah, c'est pas équilibré qui a marqué d'ailleurs. Je crois que c'était Salah, je crois que c'était Ekitike le premier but. Ah non, c'est Salah, pardon. Le but d'Ekitike avait été refusé pour un rejet. Exact, juste avant, mais oui, Salah qui libère les raids. Alors c'est une erreur de Martinez. Est-ce qu'on est content? Oui. Parce que c'est le gardien argentin qui loupe vraiment sa passe dans sa surface. Hein. Il allait la faire vers Pau Torres. Et bah, tout simplement le ballon qui profite à Salah qui va conclure du pied droit dans le but vide. Et voilà, tu m'as dit le deuxième but de Liverpool de Gravenberch à la 58e. Pareil, c'est une frappe qui va être déviée et qui va rentrer du coup dans le but de notre vieil ami argentin. Donc ça fait 2-0. C'est pour ça que Liverpool, alors certes, c'est une très bonne chose de casser leur série, leur spirale extrêmement négative. Parce que là, c'est leur premier succès depuis le 20 septembre quand même. Oui. Ça fait long pour Liverpool. Quand une équipe comme Liverpool, t'as dépensé combien de centaines de milliers d'euros, millions d'euros, c'est mieux. Plusieurs centaines de millions d'euros. Parce que ouais, centaines de milliers d'euros, il n'y a pas grand chose avec ça. Mais quand t'as Ekitike, quand t'as acheté Isaac, tout ça, voilà, c'est des gros billets, et que voilà, avec cette spirale négative dans laquelle ils étaient, mais pour moi ils sont peut-être encore toujours, parce que je te dis, voilà, cette victoire-là, avec quand même pas mal de réussite aussi. Voilà, pour moi ça peut. Il faut aussi les procurer les occasions, ça je suis bien d'accord. Mais voilà, dans la finition, ça reste aussi compliqué là pour Liverpool offensivement, quand même. Donc j'attends de voir une confirmation potentielle. Alors pas forcément contre le Real cette semaine, parce que voilà, c'est deux dynamiques complètement opposées et différentes. Mais j'attends de voir par rapport déjà au prochain match en championnat, voir s'il y a un relan positif. Mais en tout cas, ça reste quand même trois points importants pour Liverpool. Ça leur permet, bah, mine de rien, même avec leur résultat négatif, leurs quatre défaites d'affilée, je crois, en championnat. Ça leur permet quand même d'être toujours sur le podium avec 18 points, donc ils sont 3e actuellement. C'est serré en haut. Ouais. Le classement, justement, Arsenal est donc leader avec 25 points. On a City 2e, 19 points. Liverpool, donc, bah oui, grâce à cette victoire, en fait, prend 4 places, hein, puisque c'est tellement serré. Et 3e, Bournemouth 18 points aussi. Tottenham, Chelsea, Sunderland et United 17. C'est vous dire que c'est ultra serré. Crystal Palace 16, Brighton Aston Villa 15. C'est-à-dire que entre le deuxième et le onzième, il y a 4 points. C'est vraiment très. En fait, c'est clairement Arsenal qui est au-dessus. Et après, c'est vrai que c'est très serré. Hein. Et puis en bas, West Ham, Nottingham Forest et Wolverhampton toujours sans victoire. Compliqué donc pour Wolverhampton dans cette ce début de championnat. C'est la mi-temps donc Pau 3, tu nous l'as dit 1-0 pour Pau. C'est la mi-temps entre la Lazio et Cagliari et puis ça va être la mi-temps bientôt entre Sunderland et Everton et Oviedo Osasuna donc en Espagne. L'Espagne, ça qu'on n'a pas, annoncé tout à l'heure les affiches hein, de ce qui est arrivé. L'Atlético reçoit l'Evente, on a le Real face à Rayo Vallecano, puis Celta Vigo, Barça. C'est vrai qu'on n'avait pas donné les affiches. En Angleterre, bah, un petit coup d'œil sur ce qui nous attend. Lors de la 11e journée, on a un Tottenham United qui est pas mal. Ouais. Voilà. Voir si United continue sa bonne série, voir si Tottenham se relance aussi, ouais. C'est intéressant. Deux équipes, ouais. Puis bien sûr, bah, la grosse affiche qui est devenue un petit peu, si j'ose dire, je sais pas, pas une insulte parce que je sais pas trop comment elle fait en Angleterre, mais ça reste voilà un classique maintenant du championnat anglais depuis 5-6 ans où City Liverpool se tiennent la bourre quand même en championnat. À chaque fois, se tiennent la bourre en championnat. Bah, c'est City Liverpool justement dimanche à 17h30. Donc ouais, grosse affiche quand même. Voir si City continue sur sa bonne lancée avec un Haaland. Voilà, titanesque avec un Cherki toujours en bonne forme et puis voir si Liverpool peut rebondir justement. Alors, ça va être compliqué, c'est pas le meilleur adversaire pour rebondir, mais on va voir, ça va être un match très intéressant encore. Et puis tu disais juste Wolverhampton qui a toujours pas gagné un seul match. Là, ça déplacement à Stamford Bridge face à Chelsea, ça peut être compliqué quand même. Ça peut être compliqué aussi, ouais. Ce sera donc, ce sera dimanche. Chelsea-Wolverhampton de samedi, mais dimanche pour City-Liverpool. Ok, très bien. Un rapide coup d'œil donc de la Coupe de la Ligue puisqu'on a on connaît les affiches des quarts de finale avec donc on aura City Brentford, Arsenal Crystal Palace, Cardiff City face à Chelsea et Newcastle Fulham. Voilà, donc ça ce seront les affiches de ces quarts de finale puisque tu l'as dit United a été enfin, ça fait déjà un moment qu'ils sont plus là. Liverpool, par contre, ils sont plus là, non, ils sont plus là, puisqu'ils ont été battus par Crystal Palace 3-0, hein. C'était la semaine dernière. Donc, grosse défaite encore. Et, voilà, Tottenham aussi qui est passé à la trappe face à Newcastle. Donc, dans ce huitième-là. Et puis, donc, l'écart sera le 16 décembre, hein. Ça sera dans un mois et demi maintenant. Voilà pour l'Angleterre, cela nous permet de revenir en France avec donc un mot de national puisqu'on est maintenant à la 12e journée avec le leader Rouen qui a fait une belle opération en s'imposant samedi 2-1. Alors match avec un match d'avance hein, puisque vous le savez en national on est à 17 clubs donc qui possèdent 12 matchs comparé à cet adversaire à 11 matchs. Sochaux, très belle opération battant Versailles 2-0, reprend la deuxième place du podium puisque derrière Dijon s'incline, Versailles s'est incliné justement donc face à Sochaux et puis l'USO donc qui ne jouait pas, qui était exempt, donc qui reste cinquième, mais là aussi très serré, hein. Hormis Rouen avec 27, ensuite on a Sochaux, Dijon, Versailles, Orléans à 20 points, voilà, c'est assez serré quand même dans ce championnat de national. Vendredi, ce sera la 13e journée, l'USO en déplacement à Concarneau, face à une équipe 8e, donc 4 points derrière, donc ça va être un match intéressant à suivre. Donc dans cette 13e journée de national. En Ligue 2, Saint-Etienne qui chute au Red Star, qui perd sa deuxième place au profit justement du Red Star, qui prend 3 points d'avance. 3 de son côté reste leader avant le match de ce soir, hein, mais qui est toujours en cours. C'est vrai que ça aurait pu permettre de prendre le large, mais pour l'instant ça se passe pas bien, 1-0 et puis un rouge donc. Pour les Troyens, donc rien n'est joué encore, il reste du temps. Et puis donc derrière Montpellier qui grappille aussi, qui grappille ses victoires face à Rodez 2-0 et qui monte quatrième. Donc voilà, ça grappille tranquillement des points. Le Mans aussi qui revient sixième avec 20 points. En bas Boulogne, Laval et Bastia toujours relégables. Et enfin terminons avec la Ligue 1, en vous rappelant aussi que la Coupe de France en est à son 7e tour, hein. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais 7e tour, avec l'entrée en course des clubs de Ligue 2, ça y est. Donc les matchs du 7e tour, hein, ce sera le samedi 15 et dimanche 16 novembre, voilà, le 7e tour de cette Coupe de France. On aura l'occasion de reparler des affiches, hein, un petit peu plus tard, l'USO notamment. On peut l'évoquer, recevra Bayonne, hein, ce sera le samedi à 18h. Voilà, et puis bien sûr, on aura l'occasion de reparler de ces affiches-là la semaine prochaine. La Ligue 1, donc, on est parti avec cette 11e journée. Alors, il y avait deux journées la semaine dernière, on va revenir sur cette 11e. C'est Paris qui recevait Nice pour lancer cette journée. Un petit Paris, mais qui s'impose tout juste à la fin, voilà, qui se tire de ce piège tendu par Nice, qui a failli réussir son coup au Parc des Princes, mais ça ne suffit pas et il a failli s'en remettre à Ramos pour aller chercher ce succès important. Ah, Ramos, c'est fou, hein, ce rôle de super sub qu'il a souvent marqué comme ça quand il rentre et être un peu le sauveur. C'est vrai que c'est assez important d'avoir des joueurs comme ça, parce que c'est vrai qu'on lui reproche souvent, voilà, de pas être extrêmement bon, mais voilà, quand il rentre à chaque fois, c'est vrai qu'il a ce rôle souvent un petit peu de sauveur comme ça, donc et ça a encore été le cas, et on l'a senti lors de son entrée. D'ailleurs, il a été quand même pas ovationné, mais je veux dire, quand il est rentré, voilà, le parc a vraiment crié son nom, et on sent quand même un amour aussi pour ce joueur-là. Mais ouais, pour revenir sur le match, un petit PSG, oui, alors dans le sens où ils ont pas su trouver la faille dans ce match-là, mais il y a eu quand même une vingtaine d'occasions, voilà, parce que le PSG a eu le ballon tout le match, Nice a vraiment parqué le bus tout au long de cette rencontre, mais Nice avait quand même bien tenu, tenait bon jusque là, la défense a été quand même costaud, même en subissant presque 30 tirs de la part des assauts parisiens, mais ils avaient bien tenu jusque là, et c'est vrai que on le voit lors de ce but là et au coup de sifflet final, hein, ils s'écroulent au sol, les Niçois, c'est vraiment dommage. C'est vrai qu'ils sont quand même sur une bonne dynamique aussi, eux, au niveau de leurs résultats, ils reviennent plutôt bien. À voir ce que ça va donner là jeudi en Europa League, j'espère qu'ils vont rester sur une dynamique positive aussi et en fin de l'année des premiers points en Coupe d'Europe. Mais sur ce match-là, ouais, ils peuvent s'en vouloir un peu, mais bon, voilà, c'était quand même logique que le PSG s'impose sur ce match-là après avoir autant poussé durant 90 minutes. Il sera dominé, ouais, voilà, c'est quand même logique, mais sûr que voilà, c'est forcément frustrant et rageant de plier à ce moment-là du match. Donc victoire de Paris 1-0. Même score, d'ailleurs c'était les scores du samedi, ça, même score pour Monaco qui s'incline face au Paris FC. Là aussi, piège tendu par le Paris FC qui a fonctionné cette fois. Face à Monaco, voilà, petite défaite, mais fin de série, c'est que Monaco avait profité des résultats favorables de mercredi pour repasser deuxième. Et là, une défaite qui, avec le classement qui a été annoncé, qui repasse cinquième. Petite défaite, mais défaite quand même. Ah oui, défaite quand même, hein, mais Monaco sans Dante, de toute façon, hein, c'est un petit peu l'histoire de leur début de saison aussi, ce genre de résultat là. Puis ils auraient pu égaliser, je crois, en fin de match, non, il n'y a pas une action à Kliouche ou je sais plus à un moment qu'il a failli je sais plus, j'ai plus forcément l'action en tête, mais ouais, belle opération du PFC de toute manière, hein, pour aller gagner ici à Monaco. Alors c'est marrant, c'est vrai que c'est un peu c'est les deux Paris qui gagnent contre les deux clubs de la French Riviera, enfin les deux clubs voisins, Nice et Monaco. Oui. Mais voilà, c'est un match quand même assez serré entre Monégasque et Parisien. Franchement, ouais, ils ont fait le match qu'il fallait, le Paris FC. Honnêtement, je voyais Monaco livrer un meilleur match que ça. Je sais pas ce que tu en as pensé, mais j'étais un peu déçu de Monaco. Aussi. Déception. Alors en fait la défaite un petit peu dure, un nul a été largement logique puisque offensivement ça n'a pas été brillant, et un nul était logique puisque Paris FC, c'est vrai qu'ils ont marqué sur une de leurs rares très grosses occasions, ils ont eu des occasions, enfin des actions, mais pas de grosses occasions, et ouais, c'est pas un gros Monaco offensivement encore. Un tir cadré, voilà, un tir cadré, hein, voilà. Ah, c'est beaucoup trop peu. C'est beaucoup trop peu de toute façon. Enfin pour les deux, hein, oui, pour les deux équipes. J'ai compté d'ailleurs. Ouais. Mais c'est aussi pour ça que le PFC allait chercher ce genre de joueur, hein, comme Moses Simon, qui a marqué ce but-là. C'était un joueur d'expérience, voilà, qui connaît bien la Ligue 1 et qui a su marquer à ce moment-là et être clinique sur cette action-là. Donc c'est quand même une belle victoire du PFC. C'était important d'aller chercher ces points-là. Ils en avaient besoin aussi pour bien se distancer aussi, on va dire, du bas de classement. Là, voilà, ils sont bon, au plein milieu du classement, maintenant 11e, mais c'est vrai que c'est 3 points importants pour eux, là. Mais Monaco, c'est vrai que c'est au moins un point de perdu, effectivement. Oui. Ça aurait pu mériter le mieux, ouais, tu l'as dit. Et qui ira donc demain, déplacement lointain en Norvège, à Bodø Glimt. Équipe qui est classée comme Monaco, donc il faut vraiment gagner. C'est le match à gagner, hein, pour Monaco. À noter, à signaler que le retour de Paul Pogba se fait encore attendre, puisque une nouvelle blessure à la cheville cette fois. À la cheville, ouais. Et ça va encore redécaler sur ce retour qui devait se faire sur ce match. Peut-être attendu pour ce week-end, mais c'est vraiment pas sûr du tout. Et sinon, bah, encore après la trêve, hein, ça se décale de jour en jour, mais faut être patient. C'est encore la trêve, du coup, après ce week-end, là. Ouais, c'est enfin, ça. Après, ouais. Donc, voilà, rien de certain. Normalement, une blessure de grade 2, donc, la durée d'inspirabilité, elle est un petit peu inconnue, mais ça va être quand même compliqué, je pense, pour ce week-end. Donc, probablement un retour attendu maintenant après la trêve. Peut-être qu'il jouera l'année prochaine, hein. Faut espérer. Bah non, mais c'est vrai que ça fait peur, hein. Enfin, on se le disait en off déjà, c'est ouais. On a quand même peur du flop à un moment, enfin c'est une blessure à l'entraînement, c'est pour ça, c'est dommage encore de se blesser comme ça, ouais. On va dire à deux doigts enfin du Graal, du retour. Un truc du bol sangria, mais... Bah c'est ça. Et puis je veux dire, enfin, physiquement forcément, voilà, c'est ça craint pour Pogba, mais je veux dire, mentalement, ça doit pas être simple non plus, hein, pour lui aussi, je veux dire. Ouais. Ah, oui, c'est sûr. Le mec ça fait deux ans qu'il attend vraiment son retour, il a retrouvé le projet Monaco quand même. En Ligue 1, en France, on est dans son pays, voilà, donc on l'attend beaucoup, enfin de pied ferme, en même temps on l'attend avec beaucoup de, je sais pas comment dire, de tendresse, j'ai envie de dire, enfin voilà, Pogba c'est quand même un monument, on va dire, du football français, qui a été champion du monde 2018, qui a été un grand partisan de ce sacre-là aussi, qui a été un énorme joueur aussi international, enfin voilà, en Angleterre, en Italie, donc on l'attend aussi beaucoup, on attend beaucoup son retour sur les plus de Ligue 1, et c'est vrai que même lui dans la tête, ça doit pas être simple de, voilà, à chaque fois de replonger comme ça et de, enfin, c'est ouais, ça doit pas être simple non plus mentalement pour lui. Ouais. Ouais. Allez, à suivre, on va espérer que ça le fasse pour le retour de trêve. Ensuite, on a donc le dernier européen en Ligue des Champions, c'était Marseille qui se déplaçait à Auxerre. Victoire, courte victoire, là aussi c'était vraiment le score de ce samedi, 1-0. Difficile, mais avec un petit coup de mou en milieu de semaine, il devait gagner pour se relancer. Oui, c'était important, hein, ces 3 points les 3 points qu'il fallait retrouver pour Marseille, effectivement, tu l'as dit, après voilà, la BFU, si j'ose dire, face à Angers, à domicile, donc c'est chose faite. Alors tu l'as dit, ouais, dans la douleur, hein, c'est vrai que Marseille n'a pas réalisé un grand match à Auxerre, alors c'était effectivement vraiment le match à gagner en plus, parce que Auxerre est vraiment dans une dynamique très négative, hein. C'est quoi, c'est pas leur 5e défaite consécutive à Auxerre, je crois, si je me trompe pas. Oui. Tout à fait. Non, alors 5 défaites sur les 6 derniers matchs. Il y a eu un nul entre les deux face à Rennes, voilà. Mais pas, en tout cas, pas de victoire depuis sur les 6 derniers matchs. Enfin, comptant celui-ci, ouais. Ouais. Puis on l'évoquera après avec la nouvelle victoire de Metz. Mais en plus, voilà, Auxerre maintenant qui est lanterne rouge, hein, justement. Donc, ouais. c'est très compliqué pour l'instant pour Auxerre. Même si, bah, Auxerre aurait pu espérer quand même le point du nul. Hein. Ouais, c'est vrai qu'ils ils se sont procurés de bonnes occasions, notamment en deuxième mi-temps. Voilà, Marseille a pu tenir. Alors, difficilement après, pendant une demi-heure avec ce carton rouge accordé contre Ulysses Garcia plutôt. Peut-être un poil sévère, je trouve, personnellement. Alors je sais pas si mon cœur marseillais me rend moins objectif, mais je le trouve un peu sévère quand même, ce carton rouge. Mais Marseille a tenu bon quand même face à cette équipe auxerroise malade. Voilà, grâce à ce beau but d'Angel Gomez à la demi-heure de jeu en première mi-temps. Mais Angel Gomez, je trouve d'ailleurs pareil, ouais, malgré ce but là je le trouve en dessous de ce qu'on peut attendre de lui encore. J'attends vraiment beaucoup plus de lui. Je trouve il fait parfois des mauvais choix, même techniquement des fois on le sent moins à l'aise qu'on a pu le connaître même à Lille et tout ça, donc j'attends vraiment beaucoup plus de lui. Alors c'est très bien, il nous a fait gagner ce match là donc c'est super, même peut-être pour lui aussi, pour la confiance, mais j'en attends beaucoup plus. Ouais, j'ai encore été un peu déçu aussi par Aubameyang devant là, qui est pas sur une très bonne dynamique pour le coup, après un tout début de saison plutôt réussi, même une préparation réussie. Mais voilà, puis la défense un peu friable aussi encore, hein. Egan Riley, c'est encore compliqué. Rouli nous a sauvé justement en seconde période, notamment de but au Sarrois. Donc voilà, c'est un match un peu à double tranchant, pour Marseille, mais on l'a dit, des 3 points, c'était le principal pour reprendre cette deuxième place, cette place de dauphin du PSG. Surtout après Paris a gagné quelques heures avant, il fallait gagner. Ouais. Suivre le rythme. Hier, c'est ça. Strasbourg, qui était le dernier européen qui jouait ce week-end, s'est placé à Rennes. Très gros coup de Rennes, hein, qui en plus se relance, hein, après une petite partie de saison compliquée. Strasbourg, un petit coup d'arrêt. Donc avant de se déplacer jeudi, donc en Suède. Je vous laisse le nom du club. Ouais, c'est quoi, c'est le BK Aken, je sais pas comment on dit, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Oui, coup d'arrêt pour Strasbourg, effectivement. Est-ce qu'on peut parler de contre-performance en vrai? Peut-être. Ah, quand même, hein. Puis, 4-1, c'est lourd, hein, face à une équipe qui n'avait pas gagné depuis mi-septembre. Et qui enchaînait, notamment les 6 matchs sans victoire. Beaucoup de matchs nuls. Ouais, ouais. Rennes, on connaissait leur maladie, hein. C'est de gagner 1-0, 2-0 et puis se faire remonter à chaque fois. Donc, c'est vrai que ça aurait pu être le cas pour Strasbourg, mais non, pas du tout. Voilà, ouais. Strasbourg a plutôt pris l'eau comme dans ce match. Enfin, en tout cas, n'a pas vraiment sorti tôt, la tête de l'eau. Mais c'est vrai que Rennes a été clinique, hein, pour le coup sur ce match et n'a pas laissé pour une fois filer sa victoire avec un excellent Esteban Le Poll, hein, qui marque ce triplé, le premier triplé de sa carrière d'ailleurs, je crois, en tout cas en Ligue 1. Elle est ancienne d'Orléans, ouais, d'ailleurs. D'accord, ok, ancien d'Orléans, ouais. Et ancien Angevin aussi. Mais il marquait pas des triplés Orléans, par contre. Pas de triplé Orléans. Non, pas déjà un, c'était bien. Mais là, ça lui a réussi ce gros match contre Strasbourg et. Ah, c'était quand même le match de la peur, hein, pour Rennes, enfin, notamment pour Habib Bey, oui. Qui au final a été conforté la journée de cette semaine, la semaine dernière, il a été conforté quand même malgré encore un résultat négatif, si j'ose dire, même si c'était pas une défaite, mais une nouvelle remontée qui a été prise par Rennes face à Toulouse. Donc c'est une belle victoire pour Rennes, pour Habib Bey aussi, qui s'offre encore un peu de crédit, à voir si. Ça peut lancer une dynamique aussi pour le Stade Rennais, c'est tout ce que je peux leur souhaiter. Même Habib Bey que j'apprécie plutôt, mais c'est une très belle victoire pour Rennes et qui recolle un petit peu vers les places européennes. Alors, ils sont à 5 points de la 6e place, hein, de Lyon, mais ils sont plus qu'à 4 points de Strasbourg aussi, donc c'était une victoire importante en plus au niveau comptable bien sûr pour Rennes et recoller un petit peu à Strasbourg notamment. Exactement. Victoire de Rennes, donc c'est 4-1. Lens recevait Lorient là aussi avec la possibilité de remonter sur le podium. Ils s'en sont pas fait prier, les Lensois, victoire 3-0. C'est une faible équipe de Lorient, hein. Finalement dominée quand même sur la plupart des secteurs du jeu. Ouais, même si Lorient a eu 2-3 occasions quand même assez franches où ils auraient pu espérer marquer quand même au moins un but. 3-0 peut-être un poil sévère, même si tu l'as dit quand même, hein, Lens a quand même dominé ce match bien sûr, il serait qu'ils sont assez intransigeants, assez fermes, vraiment à domicile, hein, Lens cette saison. Alors, bien sûr on connaît un petit peu la magie de ce Stade Bollard, évidemment avec son public exceptionnel, et c'est vraiment confirmé en ce début de saison, où ils enchaînent vraiment les très bons résultats à domicile, notamment ce 3-0 là contre Lorient où tu l'as dit, ils ont vraiment géré ce match avec début d'Edouard en tout début de match et puis en fin de match ensuite de Wesley Saïd et de Baïdou à la 89e, ça fait 3-0 et Lens qui conforte sa 3e place au classement et donc c'est pas sur le podium pour l'instant, donc c'est vrai que ça leur sourit pas mal pour en ce moment pour Lens. Qui est sur une série intéressante, hormis ce petit revers à Metz un peu dommageable la semaine dernière, c'est une série qui est quand même assez belle, donc la dernière défaite c'était face à Paris avant ça, donc et Lyon, donc voilà, des adversaires quand même nettement supérieurs à Lens. Et puis voilà, il y a eu que ces 3 défaites là, hein, finalement, donc c'est une saison intéressante pour les Lensois pour le moment. On poursuit avec toujours hier la victoire de Lille. Là aussi, c'était important de gagner, hein, évidemment avec les résultats qu'on avait eu jusque là. Donc victoire, courte victoire, mais 1-0 face à Angers. Lille aussi fallait gagner après un revers la semaine passée face à Nice. Donc chose faite, pas forcément avec la manière, mais pas avec la manière, ouais. Pas avec la manière, mais résultat est là. Ah, parce que c'est qu'on peut quand même en attendre mieux. Quand même, enfin, oui. C'est vrai qu'il nous habitue à mieux, que ce soit en championnat comme aussi bien sûr en Coupe d'Europe. Mais tu l'as dit, c'était important de prendre ces 3 points-là contre une équipe comme Angers, mal classée. Et puis pour rester au contact des poursuivants, mais surtout des équipes de devant, à savoir Lens, Marseille, et puis donc le PSG qui naît entre guillemets à 4 points du LOSC. Donc c'était une victoire importante avec ce but de Correa juste avant la pause dans le temps additionnel. Voilà, c'est vrai qu'ils n'ont pas vraiment forcé Olivier Giroud qui est sorti à son 11e en fin de match, qui a encore eu son rôle important hein, de pivot bien sûr, de redescendre, de repiquer en retrait pour venir un petit peu apporter son expérience et puis bien sûr son appui pour lancer les actions, même si il a pas marqué, il a fait un bon match encore, il a été important sur ce niveau-là dans ce rôle de pivot. Donc une belle victoire pour le LOSC quand même, sans forcer effectivement, mais 3 points importants. Toulouse-Le Havre, le seul match. Il y a eu Lyon aussi hier. D'ailleurs, le même score 0-0. C'était pas une journée très productive. Ouais, au niveau des. Oui, et ouais, au niveau des buts, il n'y a pas eu beaucoup de. À part le Rennes-Strasbourg, voilà, mais sinon, c'était pas une grande journée. Toulouse-Le Havre, oui, 0-0. Que dire de ce match assez logique en fait, hein. C'est un jeu tac qui était un match un peu fermé. Hein. C'est un peu le résultat entre deux équipes effectivement dans le ventre mou, hein, Toulouse 9e, Le Havre 12e à l'issue de cette journée. Donc c'est vrai qu'on pouvait pas avoir de grosses attentes sur ce match-là. Et effectivement, ce 0-0 là est logique, tu l'as dit, même si Le Havre a notamment pu marquer, hein, si Guillaume reste. N'était pas en reste justement, donc il a fait un bon match aussi, le gardien français très bien placé, mais fallait la sortir. Voilà, un 0-0 logique qui n'arrange personne, mais en même temps Toulouse reste 9e bien placé, ils ont de l'avance globalement sur la fin de classement, ils sont pas si loin que ça des premières places européennes, quand même 5 points, mais c'est pas si loin que ça. Ils sont là bien installés au milieu de classement. Et puis Le Havre, même chose, qui est quand même un petit peu d'avance par rapport à la zone rouge. Donc c'est un 0-0 logique, on l'a dit, et qui peut faire les affaires comme de tout le monde, on va dire, entre guillemets. On a Metz ensuite qui s'impose à Nantes et qui laisse du coup sa place de l'antenne rouge à Auxerre. Et puis face à Nantes, qui n'avance plus, hein, voilà, et qui maintenant se rapproche dangereusement aussi de cette zone rouge. Metz là, qui enchaîne. C'est vrai qu'on s'y attendait pas forcément. On l'a dit tout à l'heure, la victoire la semaine dernière en semaine contre Lens, ça on s'attendait pas. Alors Nantes là, on se disait que c'était peut-être possible d'enchaîner. Metz a enchaîné effectivement. Alors ça n'a pas été simple. Metz a quand même été solide défensivement dans la première période, là où Nantes pouvait plutôt pas mal pousser quand même. Et puis ça s'est fait en fin de match avec ces deux buts. D'Abouachville à la 82e et de Habib Diallo à la 89e. Donc ça fait 2-0 pour Metz. Donc effectivement, pour la première fois, ils enchaînent deux victoires d'affilée. Enfin, c'est leur deux premières victoires de la saison. Et ils sortent de cette place de lanterne rouge, on l'a dit, contrairement à Auxerre, du coup, qui prend sa place après la défaite contre l'OM. Donc une dynamique positive pour Metz. Ils se rendent compte que ils peuvent aussi être dangereux, qu'ils savent maintenant aussi aller chercher ces buts-là, aller chercher ces points-là dans ces matchs importants contre des équipes qui sont aussi pas dans une bonne forme également. C'est une très bonne dynamique pour Metz, et à voir, alors je sais pas contre qui joue ce week-end, mais à voir si ça peut encore enchaîner, ça peut être intéressant. Alors que les stacks égalisent, hein, à 10 contre 11. J'ai pas vu qui a marqué, j'ai pas vu le but, du coup j'étais sur mes notes, mais ça fait un partout. Donc 62e minute de jeu, c'est le but de Mohamed Diop, le numéro 8 de l'Estac. Ouais, ça fait un partout. 62e minute de jeu, un partout, 3 qui a 10 contre 11, je le rappelle. Et puis à noter que Sunderland aussi a égalisé sur sa pelouse face à Everton. C'est Enzo Lefebvre. C'est Granit Xhaka qui marque, mais sur une passe décisive d'Enzo Lefebvre. Donc un partout. Là aussi, un ancien Orléans, tiens, on en parlait tout à l'heure avec le Paul, Enzo Lefebvre et aussi. Et puis 0-0. C'est la défense paloise qui se mélange un peu les pinceaux dans sa surface. Alors il y avait une pression quand même des attaquants troyens, mais ils vont perdre le ballon pour eux. Et puis dans les petits espaces, Troyes va réussir à s'en sortir et il va avoir une belle passe. Alors j'ai pas vu de qui, mais pour Mohamed Diop qui va tranquillement placer une petite frappe de l'extérieur du pied dans le petit filet et tromper le gardien palois. Donc ça fait un partout, je l'ai dit. À la 62e minute de jeu entre les stacks réduits à 10 contre Pau. Et donc 0-0 dans les autres rencontres, Oviedo, Osasuna et Lazio Cagliari. Tiens, puis à noter pour Nantes, là, un petit point noir, c'est la blessure de Antonio Lopez aussi. Hein. Oui, donc ça, qui va passer des examens, c'est la hanche, donc examen complémentaire dans la semaine, pourrait peut-être manquer ce week-end, donc petite alerte aussi pour le gardien nantais. Et puis on clôture avec cette journée et ce Brest-Lyon 0-0. Alors c'est peut-être un point quand même de prix pour Lyon dans cette rencontre. Ah bah c'est clairement un point de prix, oui, un bon point de prix pour Lyon effectivement. Et pour le coup, deux points de perdu pour Brest, ça c'est sûr. Bah oui, avec ce scénario-là, ce carton rouge qui arrive de façon très précoce pour l'OL, avec ce carton rouge à la 8e minute pour Attebourg, ouais, forcément ça tue un peu le match dès le début, malheureusement. Donc Brest pourtant qui a poussé hein, durant tout ce match, ils ont poussé les Bretons, mais Lyon a quand même été solide aussi. Puis le gardien Dominique Griff qui a quand même fait pas mal d'arrêts aussi pour sauver les siens, pour sauver les Lyonnais. Donc franchement, c'est vrai que on peut forcément dire que c'est un très bon point de prix pour les Lyonnais. Voilà, avec ce scénario-là, avec cette physionomie de match-là. Mais ouais, Brest aura quand même c'est quand même une contre-performance dans un match comme ça. On sait que c'est pas un grand Lyon, même s'ils font un très bon début de saison, Lyon, avec un effectif réduit, bien sûr. Mais justement, pour une équipe comme ça, réduite à 10, en plus, pour quasiment la totalité du match, il faut aller chercher absolument la victoire. Alors, c'est ce qu'on essaie de faire, évidemment, mais ils n'ont pas réussi. Et ouais, c'est vraiment deux points de perdu pour Brest, avant tout, quand même. Et pour Lyon, bah ouais, c'est deux points de perdu, mais c'est vrai que dans la finale du match, c'est pas mal. Et finalement, bon, au classement, ils perdent une place. Ouais, ils perdent quand même des places forcément, mais bon, ils sont toujours largement proches des autres concurrents. Ils sont à 20 points comme Lille et Monaco. Ils sont qu'à 2 points de la deuxième place avec Marseille et de Lens aussi qui est troisième. Et ils sont qu'à 4 points du PSG aussi. Donc bon, c'est pas non plus. C'est pas non plus un mauvais résultat pour eux, encore une fois, via la physionomie de ce match, enfin, vu le scénario. Mais voilà, ils restent largement au contact encore de tous les concurrents autour aussi. Donc c'est sûr que voilà, ils perdent des places sur ce match-là. Forcément avec ces deux points perdus, mais alors, j'ai pas envie de dire ça justement. Pour moi, c'est vraiment un bon point de gagner quand même. Mais voilà, ils restent largement encore au contact au classement. Avant de recevoir Paris ce week-end, dimanche. Hein. Tout à fait, ouais. Donc alors Lyon qui joue aussi la Coupe d'Europe jeudi, donc et puis Paris joue mardi là, donc il y aura forcément plus de repos côté parisien, mais ça va être un match intéressant, ouais, quand même entre ces deux effectifs là. Surtout que Paris, on le voit en championnat en ce moment, il lève le pied plutôt, donc ça va être un match intéressant quand même au Groupama Stadium. Ouais, on suivra bien sûr tout ça. Le classement pour finir, on a donc Paris leader avec 24 points, Marseille, Lens avec 22 points et 3e, Lille, Monaco, Lyon donc 20 points, Strasbourg 19 points, c'est égal, donc là c'est bien serré. Ensuite on a une petite fossé, Nice et 17 points, 8e, et en bas donc Nantes, Lorient 9 points, Metz 8 points et Auxerre 7 points, donc lanterne rouge. Voilà donc pour ces résultats de la 11e journée. Les pronostics. Alors, deux journées du coup qui avaient lieu sur cette semaine. Désolé, mais deux défaites d'un point. Vraiment sur cette journée-là, la 11e là ce week-end, je suis pas passé loin. Alors pas faire le braquage parce que j'aurais pas gagné avec toi, mais je veux dire, mais d'avoir le point sur le match. Enfin, j'avais mis match nul du PSG, moi, contre Nice. Et quand Tarmo s'est marqué, en vrai, j'étais dégoûté. Je me suis dit, putain, j'aurais pu t'avoir là-dessus, justement, peut-être, parce que t'as mis le PSG, toi, je pense. Bah oui, et c'est ce point-là qui... Ah bah oui, donc si, j'aurais gagné, en fait. Ah bah s'il n'y avait pas eu ce but, t'avais mis nul, toi. Ouais, tu prenais le point que j'ai pris. T'as tout pris. Ouais, c'est ça. Et parce que, oui. C'est dommage. Et puis si tu t'avais mis pareil, tu prenais un point, donc tu étais à 5. Bah c'est ça. C'est dommage. Et puis j'avais mis, durant la journée de la semaine dernière, là, en pleine semaine, j'avais nul Monaco et je crois que je suis pas passé loin parce que Monaco en vrai ça a été un gros match, ouais. Enfin, il y a eu du but face à Nantes. J'ai l'idée, il y a de l'idée, mais j'ai pas la finalité, quoi. C'est dommage. Ouais, 5-3, c'était un gros match, hein. Ça a été animé, franchement, c'était plaisant. Ouais. Petit bilan du coup, après 11 journées. il y a déjà un écart de victoire, 8 victoires à 4, mais par contre en termes de points c'est serré, 51 à 49. Ah oui. Parce que bah c'est vrai que tu perds plus, mais tu perds d'un point à chaque fois. 8 victoires à 4. Ouais. En 11 journées. Bah parce qu'il y a des égalités aussi des fois parfois. Ah oui, d'accord. Oui, sinon ça, le compte est pas bon sinon. Bah c'est, ça fait 12, du coup ça va pas, mais. Ah oui, donc oui, ok. Donc, bah en fait, mais soit t'es arbitre, moi je sais même pas les règles en fait, donc. Mais ok, donc quand t'as égalité, tu mets un point chacun. Il y a une égalité une seule fois, ouais. Ouais. Du coup, ça fait un point chacun. Ouais, tout à fait. Et du coup, oui, seulement 2 points. Parce que c'est vrai que, c'est souvent des défaites d'un point ou quand tu gagnes, c'est souvent des grosses victoires. Mais ça fait que 2 points de retard, mais 4 victoires. Mais qu'est-ce qui compte à la fin? C'est les victoires en premier et c'est les points ensuite. Ah oui. Ah oui. Donc là, je suis déjà un peu distancé, quoi. Ah, on est qu'à la 12e journée, hein. Ouais, c'est pas allé vite, mais bon, là, faut que je me refasse ce week-end. La week-end. Bah, ouais. On y va justement avec cette 12e journée. Ça va démarrer donc vendredi. Le Paris FC reçoit Rennes. Paris FC 11e, Rennes 10e. Là, ça va être un match vraiment équilibré, en tout cas en termes de classement. Je vais te laisser parler le premier, parce que je sais pas trop quoi mettre. J'ai envie de croire un petit peu pas un renouveau, mais un stade rennais, ouais, qui se relance efficacement, ouais, j'ai envie de mettre Rennes, moi. Bah, les deux clubs restent sur 2 victoires. Ouais, c'est sûr. Paris à domicile. Je vais mettre un nul, moi. J'ai envie de mettre. Bah, c'est vrai que les deux restent sur une victoire et sur un match nul juste avant. Enfin, en tout cas, sur 2 matchs sans défaite, là, récemment. Donc, c'est vrai que c'est très serré. Puis, tu as dit au classement, c'est équivalent. Donc, c'est vrai que c'est compliqué. Mais ouais, moi, je reste sur Rennes, moi. Allez. Ben même à domicile, pareil, c'est bon. Allez, laisse comme ça. Samedi, ensuite, on a Marseille-Brest à 17h. Marseille est deuxième, Brest 13e. Bon, je vais mettre Marseille sans problème, même si ça joue cette semaine. Pour moi, ce sera Marseille. Ouais, alors sans problème, c'est vite dit, parce que même à domicile, on n'a pas réussi contre Angers au final, tu vois. Mais j'ai quand même bien sûr te suivre. Hein, je vais mettre l'OM, mais même si Brest est quand même sur une spirale négative quand même aussi, mais. Ouais, mais bien sûr, je mets l'OM, bien sûr. 19h, Le Havre-Nantes. Le Havre 12e, Nantes 15e. C'est pas un match simple encore, ça. Non. Nantes qui je mets un nul, tu vois. Ah, c'est pas mal. À la fois, oui, mais à la fois, il faut que y ait une fin. Pour les deux, il faut gagner, quoi. Le Havre fait pas une série mauvaise, hein. Ah non, là ils sont bien, ils sont 2 victoires sur les 3 derniers matchs. À part la grosse défaite face à Marseille 6-2, après avant ils avaient fait 3 nuls. Donc j'ai envie d'y croire et je vais mettre le Havre, moi. Surtout s'il n'y a pas Lopez. C'est honnête. Ça peut se jouer, ça peut se tenter. 21h05, Monaco Lens. Monaco 5e, Lens 3e. Ça c'est un gros match. Hein. Ça c'est dur, ouais. Et puis Monaco joue mercredi. Non, demain. En Norvège. Et long déplacement. Après, c'est mardi. Hein, donc, mercredi, ils sont rentrés. Et le match n'est que samedi. Mais ça peut jouer dans les... Ça, tout va dépendre de ce qui va se passer dans le match. Mais je vais mettre quand même Monaco. Mais sans grande certitude, quoi. Ouais, je ne sais pas du tout quoi mettre. Mais puisque Lens, en plus, ils ont gagné. Imaginons quand même. Alors ça, tu dis c'est mardi, leur déplacement en Norvège, mais c'est loin. Et puis c'est le froid norvégien. S'il y a une épidémie de grippe au sein du groupe, ils sont pas habitués à Monaco quand même au grand froid. Non. Après, ce match-là, on peut se le garder pour on peut se le garder pour mercredi. Non, mais oui, je reste sur Monaco, même si je reste sur Monaco, mais c'est sûr que ça va avoir un impact ce match, ce long déplacement, ouais. Je vais mettre Lens. Allez. Ouais, je le tente. Dimanche, 15h, Lorient-Toulouse. Lorient 16e, Toulouse 9e. Qui reste Toulouse sur ce match nul. Je vais mettre le test, moi. Ouais. Ok. Ouais. Sans grande conviction, je te le cache pas, mais. Moi non plus, mais bon, Lorient. Lorient, c'est compliqué, Lorient. Quand même, je mets tout aussi, Lorient, c'est quand même très faible. Sur les 5 derniers matchs, Lorient, c'est 3 défaites, c'est 2 nuls. Ouais, non, je. Je mets le Toulouse. Mais bon, après, il faut bien retrouver le chemin de la victoire un jour. Mais... on n'est pas là. J'espère qu'on n'est pas là. Ouais. Non, je pense que Toulouse est quand même un peu plus constant. Et... enfin, ceci dit, l'Orient sont constants dans les résultats aussi, mais. Ouais. Pas dans le même sens. Strasbourg-Lille. Des multiplex de 17h15. On a donc Strasbourg-Lille avec Strasbourg 7ème, Lille 4ème. Là aussi, c'est un match intéressant. Lille qui. Bah, les deux jouent. Hein. Lille joue mercredi. C'est ça, hein. Lille, je ne l'ai même pas dit tout à l'heure, mais Lille ira. Jeudi. Jeudi, pardon. Les deux jouent à jeudi. Lille ira à Belgrade. Et, oui. Et Strasbourg. Je sais plus. Bah, à domicile, je crois, contre les Suédois, avec Karaken, c'est ça? Oui. Oui. Je crois. Ils jouent jeudi. Oui, bah oui. Bah, les deux jouent jeudi, en fait. Hein. Bah, c'est logique, c'est la conférence et l'Europa. Donc. Bah oui, voilà. Et oui. Strasbourg, oui, c'est ça. Non, oui, il se déplace. Ça fait quelques années que c'est comme ça. Hein. Il va en Suède, hein, Strasbourg. Ah ouais, il va en Suède. Attention. Ah, aïe, aïe. Ça change tout. C'est un peu comme la Norvège pour Monaco, là, c'est loin. Hein, mais c'est Lille, froid. Lille va à Belgrade, t'as dit. Lille va. Oui, mais oui, c'est moins loin quand même. Je suis pas certain. C'est en Serbie. Ah, je sais pas. Bah, c'est loin. Ouais, de mais Lille, c'est loin. Est-ce que c'est plus loin que. Ah ouais, de Lille, ouais. Bah, de Lille déjà. Et Strasbourg, c'est moins loin de la Suède, tu veux dire, c'est ça. Bah, je sais pas s'ils vont en avion quand même. Ah, oui, la Suède. Après, je sais pas où est situé actuellement en Suède, parce que la Suède, c'est quand même long. En verticalité, je veux dire. On va faire un cours de géo, de géographie, n'importe quoi. Alors du coup, ça ne dit pas. Moi, je vais mettre un nul, tu vois. Allez hop, parce que je sais pas quoi mettre. Ouais. Je tente. Je tente ou faut que je gagne, mais en même temps, non. En même temps. En fait. Pour... ah, je mets Strasbourg. Ouais, c'est pas idiot à domicile. Hein. Mais tu sais, dans un gros match, un gros score, animé. Ça, je pense que ouais, c'est plus rare du but. Ouais. Mais en fait, on pourrait tout mettre là-dessus. Mais il peut tout se passer dans ce match. Tout résultat serait pareil, logique. Donc ouais, un nul, pourquoi pas. Bon, on verra. Ensuite, on a Metz-Nice. Donc on a Metz qui est 17ème, Nice qui est 8ème. Hein. Metz est vraiment faible. Moi, je vais mettre Nice. Oh, ouais, je vais mettre Nice. Tu sais, j'ai dit d'en mettre un nul quand même. Ah, mais Nice joue aussi. Nice joue jeudi, Metz, alors bon. Et sur deux matchs, sur deux victoires quand même. Ouais, ils reçoivent Fribourg. Ouais. Mais ils reçoivent, donc ils vont pas en Suède, ni en Serbie, ni en Norvège. Donc c'est mieux. Mais ceci dit, c'est quand même jeudi. Hein. Donc ça ne nous avance pas plus. Mais non, je vais mettre. Nice quand même. Ah, honnêtement, je voulais tenter le nul, mais je vais arrêter un peu mes conneries parce qu'il faut pas que je perde trop de points au cas où par des paris trop risqués. Je vais faire comme toi, du coup, je vais mettre Nice quand même. Mais oh. Ouais, je vais mettre Nice. Mais, ou un nul, hein. Enfin bon, j'en suis non, là, c'est... non, mais tu rigoles. J'ai vraiment envie de le tenter, mais non, je mets Nice. Après Nice, ils sont quand même, ils sont sur deux, ils ont gagné deux fois face à Paris, ils ont failli faire un beau coup. Donc bon, je les vois quand même. Un peu mieux. Peut-être revoir aussi leur forme jeudi, voir ce que ça donne encore sur cette scène européenne cataclysmique avec eux, mais voir leur forme. Ils ont battu Lyon, ils ont pris un point face à Monaco, c'est pas mal. Hein. Non, c'est pas mal depuis un peu. Hein. Ouais. Angers-Auxerre ensuite. Angers donc est 14ème. Auxerre dernier. Et ouais, là ça va être. Ouais, oui. Bah, je vais mettre Angers. Hein. Désolé pour Auxerre, mais. Je les vois pas gagner extérieur aussi. Hein. Désolé mon Giroud, mais la saison est très très compliquée, ouais. Très très compliquée. Il y a pas eu de, il y a eu des défaites à l'extérieur hein, pratiquement. Je suis en train de regarder là, mais ils ont pris un point à Rennes. C'est vrai. Ouais. Mais sinon, je mets Angers aussi. Plus Angers m'a, enfin, quand même fait bonne figure aussi au Vélodrome. Alors c'est à l'extérieur, mais au Vélodrome quand même face à l'OM. Et puis là, ils ont perdu 15-0 face à Lille, c'est pas énorme. Hein. Ouais, bah, c'est je mets Angers quand même. Ouais, moi aussi. Désolé pour Auxerre. Et enfin, on va terminer ce long pronostic face avec ce Lyon-Paris, ce qui sera pour clôturer cette journée dimanche à 20h45. Lyon 6ème, Paris leader. avec Paris qui joue bien sûr demain, on l'a dit, et Lyon, n'oublions pas, c'est vrai qu'on en a pas parlé tout à l'heure, mais qui ira au Betis Séville jeudi. Oui. 3-1 pour moi pour Paris. Moi je mets 3 euros pour Paris. Oh. Ouais, parce que, bah, il faut quand même qu'il se relance un peu en championnat. Et puis, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de gros scores depuis longtemps. Ouais. Et puis souvent le PSG quand même dans les, entre guillemets, dans les grandes affiches de Ligue 1, je veux dire, même s'ils sont évidemment à chaque fois, un bon gros niveau au-dessus, même de l'OM, de l'OL, etc., de Monaco, mais ils répondent présent souvent quand même dans les gros matchs, alors sauf sur le Classico où l'OM a gagné 1-0, on le rappelle, hein, quand même, c'est bon de le rappeler ça. mais non, je vois le PSG quand même s'imposer tranquillement face à Lyon. Oui. Il y a des belles affiches sur cette journée. Ouais, c'est une belle journée. Parce que on le disait, là, c'est de la première à la 7-8e place aussi en Ligue 1, c'est serré. Mais le Monaco-Lens, le Strasbourg-Lille et le Lyon-Paris, c'est des matchs intéressants. Hein. C'est une belle journée qui nous attend. Ouais. Ça a bougé, donc tu l'as dit tout à l'heure, 3 égalisés. Hein. Ah, il y a une occasion pour Pau là. T'es devant là. Devant. Il y a une occasion. Est-ce qu'on n'est pas en décalé légèrement? Peut-être. En léger différé, comme on dit. Ouf, ah oui, bah j'ai peut-être eu après l'action, mais effectivement, corner pour Pau, une belle tête, mais c'est une belle claquette que nous sort le gardien Troyen. Ouais. 79e minute. Et bah en tout cas, un partout hein, pour le moment. La Lazio a ouvert le score aussi face à Cagliari. 1-0 à 10 minutes de la fin de cette rencontre. C'est Isaacsen qui a marqué, c'est une passe d'ailleurs de Guendouzi, passe décisive de Guendouzi. Bah, j'allais te demander s'il jouait. Bon. Bah voilà, il joue et il joue puisqu'il marque, enfin il fait marquer. Occasion encore pour Pau sur ce corner. C'est le corner. Ouais, mais c'est le gardien qui a été touché là, gardien troyen. Ah. Bon, on va suivre tranquillement ça. Et puis donc Sunderland va retourner partout. Oviedo, ça n'a pas de but pour l'instant. On évoque les matchs de cette semaine hein, avant de terminer. En plus, on va être à l'heure ce soir. Ça fait plusieurs semaines, on n'est pas trop mal hein, sur les horaires. C'est vrai. Donc évoquons ce qui nous attend d'intéressant en Ligue des Champions, en Ligue Europa. Donc on a un petit peu parlé, c'est vrai, tout au long de l'émission, mais il y a quelques rencontres qu'on n'a pas parlé. Alors on a Naples-Francfort, ça démarre demain, Naples-Francfort. Pourquoi pas pour ouvrir la soirée en fait, hein. 18h45. Ouais, c'est peut-être un match intéressant. Je sais pas sur quelle dynamique est Francfort en championnat. On n'en a pas reparlé tout à l'heure en Allemagne, mais Francfort est pas en grosse forme. c'est pas la folie. Je sais qu'ils font pas une grosse saison là, en début de saison. Mais Naples peut aller chercher quelque chose peut-être à domicile. Et Arsenal en face, hein, à 18h45 aussi à regarder. Alors c'est pas une grosse opposition, mais voir Arsenal peut-être, voir s'ils vont gagner, prendre ces 3 points-là contre le Slavia Prague. Oui. Deux petits matchs, pour ouvrir la bouche. Soirée. Exactement, mise en bouche. Exactement, c'est les bons amuse-gueule, moi je trouve. Oui. Et puis du coup, là on a du choix, hein, 21h, hein, si vous préférez bien sûr le Paris-Bayern. Hein. Il sera bien choisi celui-ci. Ce sera à ce moment-là. On aura Liverpool Real Madrid, on en a parlé. On a quand même un PSG Bayern, c'est le premier contre le deuxième quand même, cette phase de ligne. C'est une belle, très belle opposition. Au-delà de l'affiche énorme, c'est le premier contre le deuxième quand même. C'est vrai. Liverpool Real, on l'a dit. On a Monaco qui, on l'a dit, ira en déplacement en Norvège. Et on aura. Contre qui? Contre Bodo Glimt. Ah, ça va. Ça va. C'est pas compliqué celui-là. Et puis on aura Atlético, Union Saint-Gilloise, on a Juve Sporting, on l'a dit. Voilà, donc globalement, les matchs de mardi. Tottenham Copenhague, pourquoi pas. Mercredi, la mise en bouche, c'est soit Paphos Villarreal ou Karabakh Chelsea. C'est pas des grosses affiches, mais bon, ouais. Pourquoi pas. Et puis 21h, bien sûr, on a le Marseille à Bergame, on en a parlé. Très, très abordable ce match pour Marseille. On n'a pas de gros match, hein, sans vous mentir, mercredi. Il y a City Dortmund. City, oui, si, pardon, on a ce gros-là. Barça ira à Bruges, voilà. Bayer, Leverkusen ira à Benfica. C'est pas Inter face au Karatalmati. C'est pas, des grosses affiches. Hormis ce City Dortmund, qui peut nous intéresser entre deux équipes qui ont 7 points. Donc oui, c'est pas mal quand même. Ça, c'est pour la Ligue donc des Champions demain et mercredi. Et puis ensuite, en Ligue Europa, on a parlé. Hein. Donc le français, donc Lille, ce sera le premier à jouer à 18h45. Un déplacement à Belgrade, on l'a dit. Ensuite, on aura Nice également à 18h45, reçoit Fribourg. Et puis Lyon ira au Petit Séville à 21h. Et dans le même temps, on aura, donc on l'a dit, notre Strasbourg qui ira en Suède. Donc pour affronter je l'ai plus, il est là, le BK Haken, voilà. Et ce sera donc à 21h. Voilà pour les Strasbourgeois qui peuvent enchaîner une victoire supplémentaire qui est pas mal pour l'instant. Donc dans ce match-là. C'est tout ? C'est pas mal déjà ? C'est déjà pas mal. Ouais. Ah, ouais. Ça, je reviens un petit peu tous les matchs d'Europa League parce que je ne veux pas parler de la conférence, mais c'est vrai qu'il y a pas beaucoup de grosses écuries en Europa League cette année. Non, c'est vrai. Je veux dire, enfin, quand je dis grosses écuries, c'est quand même voilà. Oui, t'as la Roma. On va dire que c'est quand même un club mythique et italien, quoi. Mais après, de là en faire un favori, je suis pas certain, tu vois. Un favori incontestable, je suis pas certain, mais c'est vrai qu'il y a vraiment pas de grosse équipe cette année. Ouais. Alors pour être parfait, est-ce qu'on a tort, est-ce qu'on est trop, encore une fois, je sais pas comment dire, mais trop confiant, sans l'être, parce que bon, on connaît les équipes françaises, c'est pas tout le temps la joie en Coupe d'Europe, mais je peux comprendre aussi qu'on se dise, vas-y, Lyon, voire Lille, pourquoi pas essayer d'aller au bout, quoi, tu vois. Même on regarde la Conférence League, du coup je voulais pas en parler, mais à part la Fiorentina, on va dire, et puis peut-être Mayence, c'est peut-être un peu au niveau de Strasbourg, mais il y a la place aussi. Il y a Crystal Palace quand même, c'est vrai. Hein. En conférence League. Palace a perdu un match hein, quand même, déjà. Hein, en Conférence League, hein, mine de rien. Je sais plus c'était contre qui. C'était contre l'AEK Larnaca, Chypriote. Donc comme quoi il y a peut-être de la place. Après, Strasbourg jusqu'ici, ils ont fait quoi? Ils ont fait une victoire à nul, Strasbourg, c'est ça, ouais. Ouais, ils ont mais quand sur ces deux matchs-là, ils ont fait le minimum syndical, tu vois. Donc j'en attends beaucoup plus de Strasbourg, j'aimerais bien dans cette compétition-là. Mais il y a un peu de place dans ces compétitions-là pour nos Français. À suivre, bien sûr, toute la semaine. Un petit point sur ce qui nous intéresse, c'est au niveau multisport cette semaine. On aura l'une des dernières manches de Grand Prix de Formule 1 pour connaître le dénouement. Ce sera au Brésil dimanche. Donc ce sera bien sûr en décalé pour voir si ça bouge un petit peu au classement. C'est très serré. Grand Prix aussi en MotoGP, mais bon, plus d'enjeux en tout cas de ce côté-là. Et puis un rallye en championnat du monde des rallyes pour Sébastien Ogier qui peut essayer de se rapprocher d'un 9e titre. Ce sera, je sais plus où c'est, mais c'est en tout cas c'est ce week-end, c'est à partir de jeudi pour essayer d'aller grappiller quelques points importants dans ce classement. Ce sera donc au Japon pour le rallye. Ensuite, on aura du basket avec l'OLB qui va essayer de poursuivre sa série qui est très très bien pour l'instant, qui est leader de cette Elite 2. Ce sera donc lors de la 10e journée avec déplacement à Chalons vendredi à 20h pour essayer de garder cette belle dynamique. En handball, Saran repart avec après cette trêve, déplacement à Sarrebourg pour essayer d'enchaîner une performance intéressante. Du rugby, ce sera le début de la tournée d'automne avec France-Afrique du Sud, c'est samedi soir au Stade de France. Voilà, donc belle affiche pour nos bleus pour ce début de tournée d'automne. Tennis, rien d'extraordinaire cette semaine. On aura Novak Djokovic, on le disait, qui sera donc dans le tournoi d'Athènes, le petit tournoi 250. Et puis il y a Metz aussi cette semaine, et avant bien sûr d'attaquer le Masters à partir de dimanche, les finales de la saison. Et puis bien entendu en foot aussi. On aura l'USO qui va jouer ce week-end, vendredi, pour une nouvelle journée de National. Et ce sera, donc on l'a parlé tout à l'heure, déplacement à Concarneau, vendredi à 19h30, pour essayer de se rapprocher du podium. Voilà ce qui nous intéresse cette semaine, quand même encore plein de choses plein de choses au programme, encore une fois. On se quitte avec la fin donc des directs que vous pouvez suivre. Hein. Donc Pau 3, c'est serré. Hein. Est-ce que ça bouge? Enfin, le score ne bouge pas, toujours un partout, 88e, 3 qui pousse encore un peu, là c'est Pau qui reprend la possession et qui attaque, qui est dangereux, Pau, hein, il se rapproche de la surface, et non, ça va être contré, et 3 points, sûrement ouais, coup franc pour 3, donc ça va se dégager, mais non, ça reste encore serré dans ce match, donc même 3 à 10 contre 11, on sent que c'est encore possible quand même dans ce match, tout est possible. Bon ben voilà, il reste quelques minutes à suivre, même chose pour Lazio Cagliari 1-0, on est dans la 89e, donc c'est pratiquement fini. Puis sinon, Sunderland-Everton, un partout, il reste un gros quart d'heure. Et même chose pour Oviedo, Osasuna, il reste même 20 minutes là dans ce match en Espagne. Voilà, on vous laisse avec ça. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, bien sûr, pour débriefer tout ça, toute la semaine européenne. Il va y avoir beaucoup de choses à dire encore. Une émission encore plus complète. Voilà, il va falloir être efficace. On se quitte avec ce titre de Spin Doctor, Two Princess. D'ici là, donc bonne soirée déjà, bonne semaine à vous. Et rendez-vous lundi à 20h30 pour une nouvelle émission. Hugo, merci, à la semaine prochaine. Ciao. Merci, ciao. deles diariamente. Nós gostamos muito.